écouter du son, acheter un casque qui se connecte sur la prise du chargeur ou en Bluetooth. La marque à la pomme promet tout de même un adaptateur histoire de ne pas essuyer trop de critiques. On pourra plonger l'iPhone dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. La qualité des photos est améliorée, tout comme l'écran qui aura une meilleure définition. Quelques nouveautés aussi via le nouveau iOS avec un changement pour l'appli musique et une amélioration des SMS. Les iPhones seront vendus entre 769 et 1129 euros. À noter également la sortie de l'Apple Watch 2 qui permettra entre autres de jouer à Pokémon Go. Deux couples en garde à vue après la découverte de 6 bonbonnes de gaz et de bidons de gasoil dans une voiture. Le véhicule, sans plaque d'immatriculation, a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche, tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'un des couples originaires du Loiret est connu des services de renseignement pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Salah Abdeslam va-t-il enfin s'expliquer? Le seul survivant des attaques du 13 novembre sera entendu ce matin par le juge antiterroriste, entendu normalement puisqu'il avait refusé de répondre aux questions en juillet dernier. Il garde le silence depuis son transfert de la Belgique en avril. Une grève des enseignants au menu du jour, c'était prévu depuis la rentrée. Les syndicats protestent toujours contre la réforme du collège. Il s'agit de la cinquième mobilisation depuis le printemps 2015. Difficile de dire si elle sera suivie. Les profs semblent pour la plupart réticents à l'idée de manifester en ce début d'année scolaire. Le cortège parisien doit partir de la Sorbonne en début d'après-midi. Manifestation prévue également du côté de Lille. Des milliers de personnes réunies dans l'enceinte du mythique stade Maracana à Rio. Très belle cérémonie d'ouverture il y a quelques heures pour les 15e Jeux Paralympiques. 4300 sportifs, dont 126 Français, sont sur place. Aucun Russe n'est présent après les différentes affaires de dopage. Place désormais au sport avec comme objectif de faire mieux qu'à Londres. Il y a 4 ans, la délégation française était rentrée avec 45 médailles, dont 8 en or. Eh bien, bonne chance. Et merci Rémi pour les infos. Les premières de la journée, on te retrouve à 6h30 tout à l'heure. Il est pratiquement 6h du matin. Allez, 5h49, 50 secondes. Coup d'envoi pour le morning, c'est parti. C'est la rentrée du morning et toute l'équipe est déjà opérationnelle. Difool, celui que tous les profs aimeraient avoir comme élève. Hello. Hello, si. Si, I phone you for the announce. Ou pas. Romano, le meilleur à l'oral. Cédric, le premier en géographie. L'océan Méditerranée. Et Cariole, la plus forte en... tout. Bonne rentrée avec le Morning de Difool sur Skyrock. The Morning Show. Et oui, la rentrée, rappelez-vous, c'était il y a une semaine. Il y a semaine, c'était la rentrée et déjà une grève. Bravo les profs. Bravo. Ça, c'est pas mal pour bien démarrer la journée. Bon, une belle journée qui démarre. En tout cas, on l'espère. Il fera beau encore aujourd'hui. Il fera chaud, un peu moins, mais il fera chaud. Et on vous offrira votre iPhone 7. Et évidemment, vous avez vu, ça ouvre les infos. On a eu un grand débat hier soir dans la Radio Libre sur l'iPhone 7. C'est cher, hein. Qualité améliorée, mais surtout prix amélioré pour Apple, hein, quand même. Aussi, hein. Mais heureusement, l'iPhone, il est à gagner. Il est gratuit, il est pour vous, il est sur Sky. Et ce sera dans le morning, déjà à 6h20 pour le premier rendez-vous de l'iPhone ce matin. L'iPhone 7 à choper. Et puis, toute une équipe qui est là, évidemment. Romano, les conseils pas chers. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bah, les premiers à 6h40. Ouais. Les premiers à 6h40. D'ici là, il y aura plein de choses qui vont se passer. Hein. Bonjour, Cariole. Bonjour. Cariole est avec vous au 41759 sur l'appli. Tout ça, elle a l'œil dessus. Okay. Et elle vous rappelle et elle répond au 01 53 40 30 20. Surveillé de près par Cédric derrière. Ouais. Qui, je suis là. Qui se prend en fait pour ton supérieur hiérarchique standard. C'est ça. Toujours. Ouais. Toujours en train de vérifier ce que je fais. Mais bon, c'est pas grave. C'est une bêtise. Toujours un œil bien placé aussi. Hein. Aussi, ouais. Voilà, Rémi pour les infos, c'est fait. Vous avez entendu le premier flash et c'est pas fini. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a Sam qui est là. Salut. Et salut, Sam. Salut. Salut. Salut. Et puis, ben, plein de choses pour vous ce matin. Les 1500 euros. Encore une fois, c'est tombé hier et c'est même tombé deux fois hier. C'est tombé chez qui? Ah non, c'est tombé que chez Gwendoline. Ouais, donc hier. Qu'une fois. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait hier matin alors? Faut répondre plus Skyrock, vous répondez Skyrock et 1500 euros dans la poche, c'est bien quand même. Hein. Bravo Gwendoline, on te fait un gros bisou, travaux à faire à la maison et 1500 euros qui sont tombés chez toi. Bravo ma chérie, gros bisou à toi. Bah tiens, si vous n'étiez pas là hier matin, écoutez Gwendo, elle a gagné ses 1500 euros. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Bonjour. Tu sais qui c'est au téléphone? Skyrock. Oh, bravo Gwendoline. Alors si je te demande quelle est ta radio préférée Gwendo? Bah, je vous dis Skyrock. Mais tu as bien raison. Et tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Skyrock ce matin. Bravo. Super. Et voilà Gwendoline du 72. Tu as bien représenté Gwendo. Bravo, bravo. Gros bisous. Et puis bah, j'espère que vous aurez autant de chance qu'elle. Gwendoline, les 1500 euros, ils sont pour elle et ils seront peut-être pour vous tout à l'heure. Dans un instant, notre célèbre réveil de star pour démarrer la journée. Allô, allô. Oui, je t'ai reconnu toi déjà. Ah bah oui, direct. Ouais. Je t'ai déjà reconnu, Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Je sais. Eh bien, je sais, tout va bien, Cyril Hanouna. You are going very good. Oui, si, oui, ça va très bien. Mm-hmm. Parle anglais maintenant, Cyril Hanouna. Un peu, a priori. C'est la nouvelle formule de touche pas mon poste, c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et je suis très content. Eh ben, nous aussi. Eh ben, nous aussi, on est très content. Et ben, on va te retrouver dans un instant. C'est toi le mec des Nora? Comment? Non, c'est pas moi le mec des Nora. Non, non, non, non. Vous êtes sûr? Oui, oui. Quelqu'un est le mec des Nora ici dans l'équipe? Non, c'est moi. Cédric, mais bien sûr, on te croit, Cédric. Vous avez les mêmes dents. Oui. J'ai l'impression que Cédric est un mytho parfois. Ouais, ouais. Bon, allez, Cyril Hanouna, réveil de star, c'est dans un instant, on va voir comment ça va se passer. Et on se réveille avec du son. Ah, tiens, je n'ai pas parlé du son. Bah, on va démarrer avec Drake. Pour bien démarrer la journée, un petit Drake. Ça fait du bien, c'est One Dance, et c'est sur Sky dans le morning. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Sur Skyrock, le son de Drake pour se réveiller ce matin. On écoutait One Dance à 6h06. Bonne journée, bon réveil. Dans un instant, un souvenir qui va vous rappeler des trucs. Un gars qui s'appelle Jeremiah. Mais il est devenu quoi, ce gars d'ailleurs? Jeremiah qui chantait Don't Tell Him. Qu'est-ce que tu dis? Je croyais qu'il continuait à chanter. Ouais, mais il chante tout seul peut-être. Il chante dans sa chambre. Dans sa salle de bain peut-être. Peut-être comme Jeremiah. Est-ce qu'il est devenu quoi, Jeremiah? Si vous savez, tiens, dites-nous 41759. Ou sur l'appli, vous nous laissez le message. Fais écouter un petit bout, Romano, de ça là. Ah, c'était bien ça. On va écouter ça dans un instant sur Skyrock. C'était bien ça. Et ça date de quand, Cédric? Cédric, c'est le spécialiste des années. Alors Je sais pas, il y a 3 ans. Moi, je dirais... Il y a 3 ans, non, là, ça serait beaucoup plus. C'est plus vieux, moi, je dirais 2008-2009. Carriole 2008-2009. Premier classique qu'on va retrouver donc ce soir. Peut-être, Carriole, peut-être. Moi, je dirais après 2010, moi. Moi, je dirais un peu comme Carriole, en fait. Pas tout le monde, ça. Bon, Don't Tell Him, on va l'écouter dans un instant. Là, mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Mais non, Carriole. 2015. 2015 non, c'est pas 2015. Bah, si. Mais non, c'est pas 2015. Mais si, mais c'est pas vieux ça. C'est pas vieux, ça fait on 2014. On a lu mais c'est pas vieux. Hein. Je vais vérifier. Ouais, peut-être, je sais pas si c'est 2014. 2014. Ouais, ouais, mais c'est après 2010. Ouais. C'est un truc oui, bah j'avais raison. Ah, 2014. Bah, une fois de plus, Cédric, tu avais raison. Bah oui, comme d'hab. Je vous ai dit, spécialiste, c'est le spécialiste. Cédric, c'est notre spécialiste des années, là. Dantalam à écouter dans un instant sur Skyrock. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Et puis, j'espère que vous êtes prêts à vous réveiller avec Cyril Hanouna. C'est lui qui va nous réveiller ce matin. Ah, bah là, au moins, ça va réveiller. Au moins, il a la pêche, tu vois. C'est clair. C'est vrai, hein. Cyril Hanouna qui arrive pour le réveil de star de ce matin. C'est parti. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Le réveil de star et Cyril Hanouna, il arrive, il est là. Bienvenue Cyril. Il est beau tout nu. Ah, tu me trouves beau tout nu, mais je suis habillé depuis pas longtemps, hein, Cyril. Il y a une demi-heure, t'arrivais chez moi, j'étais encore dans la salle de bain. Et ça, c'était magnifique. T'habites où? Je te donnerai mon adresse hors antenne. Je vais te masser. Oui, c'est très gentil. C'est bah, il est sympa, dis donc. Et Cyril, on a un très bon contact ces temps-ci. Hein. C'est bien. Mets-toi tout nu, je vais arriver. Oui, non, mais l'émission d'abord et après on fera la suite. Romano, est-ce que tu as regardé le nouveau Touche pas mon poste qui est le même que l'ancien, à part qu'ils ont changé de décor, c'est ça? Oui, ils ont agrandi le décor et il y a des nouveaux chroniqueurs. On en parlait hier, on avait la liste des chroniqueurs, je l'ai oublié, mais c'est pas très grave. Il y a une youtubeuse, tu m'as dit. Ouais, mais elle n'est pas encore venue. Ah, si, elle est venue. si, elle est venue. Elle est passée complètement inaperçue. J'aime bien parce que toutes les années, il y a plein de nouveaux chroniqueurs. Et puis au final ouais, il reprend les mêmes que l'année dernière. Bah ouais, au bout de deux mois, les nouveaux ne viennent plus. Oui, touche pas à mon poste, donc ça y est, c'est reparti. C'est reparti avec un nouveau plateau. Sinon, rien n'a changé dans l'émission. On vous le disait hier, déjà un malaise dans l'émission. Hein. Ouais, ouais. L'âme, une nouvelle chroniqueuse d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ouais. L'âme, une nouvelle chroniqueuse. Donc l'autre, pour la baptiser, pour lui souhaiter la bienvenue dans l'émission. Ils l'ont déguisé en chouette, ils l'ont mis dans une espèce de peluche de chouette et ils l'ont monté à plusieurs mètres en l'air dans le studio en la laissant un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, largement, ouais. Même une demi-heure. Au bout d'un moment, l'autre, elle a fait un malaise. C'était la bienvenue de Touche pas à mon poste, ouais, pour l'âme. Non mais elle par exemple, tu vois, je suis pas sûr qu'elle revienne souvent. Ah bah, déjà elle fait un malaise quand elle arrive pour la première fois donc. Non mais puis derrière elle était complètement allumée, je sais pas ce qu'elle avait pris mais elle avait bu je crois. Elle racontait que de la merde. Ah, elle était pétée. Hanouna, il était pas super à l'aise donc je pense qu'elle va pas faire long feu. D'ailleurs, c'est peut-être son unique passage en chouette. Qu'est-ce que tu lui as dit Cyril quand tu l'as vu dans cet état, la pauvre l'âme? Tu la fermes. D'accord. Ah oui, en effet, Romano, je crois que tu avais raison. Ouais, ça s'est pas super, super bien passé. Bon, réveil de star, c'est parti. Cyril Hanouna, à pile 6h10. Vous avez vu, on est pile à l'heure. Cyril Hanouna qui réveille la famille de Richard. Quelle chance. Quelle chance, en effet, Romano, de s'appeler Richard. Richard! Voilà, c'est lui. Ouh! Oui. Ça va, mon Richard? Ça va, et toi? T'es beau, bâtard. C'est pas grave, ça. Comment? Vous faites le ménage à la maison? Oui. Ouais, quand il se la fait, hein. Ouais. Lorsque j'arrive chez moi, je retire immédiatement mon pantalon. Ah bon? Dis-moi, je voulais te demander un truc. Tu l'as vu? T'as vu la mienne déjà? Quoi? T'as vu déjà la mienne? Avec ton zizi ou sans ton zizi? Si, avec mon zizi. Moi, je fais pas avec mon doigt. C'est vrai? Ah oui. Je t'enquille comme tu veux. Je trouve qu'on devrait se voir tous les deux, pourquoi pas même un soir dans une boîte échangiste peut-être. Ah non. Voilà, non. Parce que j'ai pas mal d'entrées aux Chandelles, c'est une boîte très sympa où on peut aller, on peut même échanger nos zizi. Ouais, va te faire foutre, connard. Non mais les gars, vous avez vu comme il me parle, j'en ai je pute. C'est bien, c'est avec Cyril Hanouna, il est toujours de bonne humeur. Ouais, c'est ça, mais il se fait insulter, il est content. Toujours de bonne humeur, Cyril Hanouna. Et il est très chaud ces temps-ci, hein, quand même. Ah, chaud, ouais. Bah c'est la rentrée. Ouais. Hein. Il est chaud. Hein. Bon, un petit déjeuner pour vous. Eh bien, on vous souhaite bon appétit. Un réveil, on vous souhaite un bon réveil. Et vous avez envie de gagner. T'as bien le couscous, toi? Le couscous, non, réveil, non, pas trop. Mais c'est très gentil, Cyril. Mais pour tout le monde, une bonne chance, puisqu'on va jouer ensemble. Dans un instant, on va jouer ensemble avec. L'invité mystère du matin. On va voir si on découvre une émission. Un invité. Et l'iPhone 7 a gagné. Et alors, ouais. Ça, c'est sûr, oui, t'as raison. L'iPhone 7 est à gagner. Il est pour vous sur Skyrock. C'est parti. Juste après, Jeremiah avec Dantalam qu'on va écouter tout de suite sur Sky. Un bon jeudi à vous. Nous sommes le 8 septembre et il va faire beau et il va faire chaud. Et on a du gros son. Attention, chaud les marrons chauds. C'est Jeremiah. Ah ouais. Girl, I guess that must be you. other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them. You ain't even gotta tell them. Don't tell them, don't tell them. You ain't need. Don't tell them, don't tell them. You ain't even gotta tell them. Don't tell them, don't tell them. Know you say you're down with it. Won't tell them how you hit the ground with it. Take me out though. You got gifts, bring them down to South Pole. Marathon, girl, I put them out. Don't you worry about it, I gon' work it out. Only it's you got me feeling like this. Oh, why? Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer. Fuck. Like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them. You ain't even gotta tell them. Don't tell them, don't tell them. You ain't need. Don't tell them, don't tell them. You ain't even gotta tell them. Don't tell them, don't tell them. Girl, he fool with it. But you know I know what to do with it. I know what to do. I give you that. Girl, I'm talking laps. As if you got a pool in it. As if she ain't with your best friend. Then let me be a diamond. You know you feel how your boy press play. Just keep that ass rewinding. Only it's you got me feeling like this. Oh, why? Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer. Fucking like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them. You ain't even gotta tell them. Don't tell them, don't tell them. You ain't need. Don't tell them, don't tell them. You ain't even gotta tell them. Don't tell them, don't tell them. Sur Skyrock, c'est marrant, hein. C'est Jeremiah qui vient de nous réveiller, les 6h15, on a 5 minutes d'avance pour jouer ensemble. Ah bah c'est parfait. Et ouais, on va jouer à l'invité mystère ce matin. Attention, attention, on va même faire un métier mystère à découvrir. Et bien dans quelques instants, juste avant ça, quand même, quel est le métier qui était votre métier de rêve quand vous étiez tout petit? Ou alors, si vous êtes encore tout petit, vous pouvez aussi nous laisser vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock. Alors, votre métier de rêve, Cariole, tu voulais faire quoi quand tu étais toute petite? Devine. Rien. Prostituée. Vétérinaire, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Mais j'étais nulle en maths et tout ce qui était scientifique, donc j'ai raté. C'est dommage, tu voulais être vétérinaire. Bah oui, évidemment. Oh. Ah, si j'avais pu. Mais toi, oui. T'aurais pas supporté. Soigner les animaux, c'est magnifique. Ouais, non, mais c'est. Oui, mais bon, des fois, il y en a les qui décèdent. Les piquer. Il y en a qui décèdent, ouais. T'apprends à vivre avec. Ah ouais, c'est vrai que pour être vétérinaire, faut aimer les animaux. Ouais, oui. Bon, ça c'est la base. Ouais. Mais faut aussi savoir les faire partir. Ouais. Non mais puis bon, Cariole, déjà le chien, je sais pas, elle a le moindre truc, elle est en pleurs. Alors toi, toute la journée. J'imagine, tu vas voir Cariole, ton animal va mal, la véto qui se met à chialer. Tu me demandes, je te dis. Ok, vu tiens, je vois les messages que vous nous envoyez. Allez-y au 41759. Hein. Le Rémois qui nous dit, moi ne pas travailler, être riche. Merci, pas mal. Le Rémois. Non mais c'est vrai que bon, c'est pas désagréable, je pense. Hein. Dames du 57, travailler dans un film porno. Assim, 25 ans. Moi, c'était acteur porno que je voulais être quand j'étais petit. Tu es sûr que quand t'étais petit, tu voulais être acteur porno. Mamzel rêvait de devenir photographe. Thaï Malta, lui, voulait être footballeur. Cédric, tu voulais être quoi quand t'étais petit? Cuisinier, moi. Oh, quelle horreur. Bah, t'aurais eu des problèmes avec l'hygiène. Je t'aurais fait à manger. Mais non, mais t'aurais fermé ton ton magasin. Ton bouilloui. Bah oui, t'aurais fermé ton bouilloui. Je sais même pas s'il aurait ouvert. Il l'aurait peut-être pas ouvert. Il l'aurait peut-être même pas ouvert. Mais pas d'autorisation d'ouvert. En même temps, t'as le physique un peu de cuisinier. Tu sais, tu ferais pas tâche sur il a, ouais. Il a la gueule d'un des cuisiniers de ratatouille. C'est vrai, en plus. Je sais pas si vous voyez, mais ratatouille, il était dedans. Non, mais souvent, tu sais, il y a les cuisiniers, ils ont du bide et tout. Tu sais, on te met une toque. Ouais. Tu sais, l'habit de cuisinier, ça te. Beau gosse, ouais. Voilà, ils ont. Ouais, quoi, beau gosse. Non, mais ça ferait pas tâche, quoi. Pas exagéré, hein. Moi, je voulais être heureux, je le suis. Comme c'est beau comme message. Mais c'est pas un métier. Tu réponds pas à ma question, hein. Non. Romano, tu voulais être quoi, toi? Alors, moi, il y a eu plusieurs trucs. J'ai voulu faire avocat. Ouais. Après, j'ai voulu être graphologue. Ah oui, c'est vrai, tu nous avais déjà dit ça le soir. Le soir, on avait parlé de ça. Étudier les écritures, ça m'intéressait bien. Et pourquoi faire? Bah, par exemple, pour les criminels, tu sais, ceux qui laissent. Par exemple, celui qui avait marqué Omar m'a tué. Bah, j'aurais étudié les écritures et j'aurais peut-être trouvé le. Pas meurtrier. Et ben, ouais, pas mal. Et voilà, bon, bah, finalement, je fais de la radio. Mais ça, j'avais ça, on avait remarqué, oui. Ouais. Non, mais ça aussi, c'était une de mes passions. Et Rémi, tu voulais faire quoi? Toi, tu voulais être cuisinier aussi, comme Cédric? Moi, je voulais être journaliste dès 14 ans. Dès 14 ans? Ouais, 13-14 ans, ouais. Très bien, bravo. Bah, il a toujours pas réussi. Il essaye pour l'instant tous les matins sur Skyrock. Non, c'est bien, il est en stage chez nous, il coûte pas cher. Il fait des efforts, tout ça. Bon, allez, on va aller faire un tour tiens, sur un métier mystère, maintenant un métier à découvrir. C'est dans Confession Intime qu'on l'a vu, celui-ci. Ah, Confession Intime. Ah oui, parce que ça existe toujours. Ouais, ouais, c'est sur NT1 maintenant. NT1, exactement, et la chaîne de Secret Story. Confession Intime. Et autrement dit, grande chaîne. Oui, bah énorme. On va vous présenter tout de suite. Tu voulais mettre le jingle de l'invité mystère. Allez, le jingle. Vas-y. L'invité mystère. L'invité mystère est un métier aujourd'hui. Alors c'est un métier mystère qu'il faut découvrir. C'est sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et on met en jeu ce très cher iPhone 7. Allez-y, vous gagnez l'iPhone 7. Attendez mon top pour nous donner la bonne réponse. Métier mystère. C'est Max avec vous, avec spécial années 80 aujourd'hui. On continue avec un grand succès. Tiens, allez, c'est pour vous les filles, pour vous les chouchous. Je trouve que c'est facile. Bah moi j'hésite entre deux. Ah bah ouais, moi aussi, c'est pour ça qu'on a fait un invité mystère. Parce qu'en fait il y a deux possibilités quand même. Bah ouais. Ah bon, moi j'en vois qu'une. T'en vois qu'une, envoie vite ton message, Cariole. Allez-y, top. Eh bien, j'ai bien trouvé qu'il était mécanicien. Et bravo. Et ça. Super. 41-759 skyrock.fm. Il est animateur de foire, on nous dit sur le. Ah ouais, ça aurait pu. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. C'est presque bon, mais c'est pas bon. Allez, vos réponses, très vite. 41-759. Appli Skyrock, vous envoyez votre message, vous laissez votre numéro. C'est pour vous les chouchous. C'est pour vous les chouchous, l'iPhone 7 sur Skyrock. 6h19. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Il t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. Soprano. Écoute Skyrock à tout moment et choisis ta ville. 200 places de concert Soprano en exclu sur Skyrock. Ouais. Soprano, un concert avec Skyrock. Skyrock. Est-ce que ça va ou pas? Promets sur Soprano. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le multicuiseur Thomson 5 litres, 8 programmes pour cuire, préparer, rissoler à 49€ chez Leclerc. Du 6 au 17 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le multicuiseur Thomson avec 20€ de réduction. 49 au lieu de 69€, dont 60 centimes d'éco-participation. Un multicuiseur comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore. Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des bas, car elle est dans le cœur de tous mes scars. tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et oui, c'est nous, on est là sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil, on est jeudi aujourd'hui. Demain c'est vendredi, après c'est le week-end, tout va bien. Oui. Demain DJ Roro viendra nous voir dans l'émission. Le vendredi, c'est le jour de DJ Roro, notre grand DJ mixeur qui nous fait découvrir des sons parce qu'il est quand même à la pointe de la musique. Ah bah c'est clair, il s'y connaît. Je me souviens, avant qu'on parte en vacances, il nous avait mis Way and See. Ouais. Ah, c'était sa nouveauté pour l'été. Un grand DJ, lui aussi vous offrira l'iPhone 7. Avant 7h, vaut 1500 euros, même à 6h30, c'est-à-dire dans à peu près 5 minutes, vous gagnez vos premiers chèques de 1500 euros. Et tout à l'heure, à 6h40, c'est le nouvel horaire, notez bien. Nouvel horaire de vos conseils pas chers dans le New Morning sur Skyrock. Ouais. Et c'est toujours avec Romano, mais qui pourrait faire les conseils pas chers à part Romano? On se le demande. Tu es tellement radin. En plus, il a déposé les conseils pas chers. C'est déposé. Tout s'est déposé. C'est à lui. Si vous entendez quelqu'un qui fait des conseils pas chers ailleurs, à la télé, vous avertissez Romano, il porte plainte. Merci de me signaler dans les meilleurs délais. On signalera. Romano, alors, et les autres aussi d'ailleurs. Voici le métier mystère tout de suite. Et voici Cyril de Bordeaux avec nous. Les Bordelais, vous êtes bien présents dans le morning. C'est bien, vous avez bien démarré. Salut les gars. Ça va Cyril? Salut. Ça va, tranquille, ça va. Ça va, t'as 25 ans. Ah oui, vous étiez une des villes les plus chaudes de France hier. Vous avez eu chaud? Ah ouais, il faisait super chaud, c'était un truc de fou. Bon, il fera moins chaud, je crois, aujourd'hui. Écoute la météo dans 5 minutes là. Cyril, d'accord. 25 ans et à Bordeaux. Écoute bien, il s'appelle Max, celui qu'on vous a fait écouter. On l'a trouvé dans Confession intime, lui. C'est Max avec vous, avec spécial années 80 aujourd'hui. On continue avec un grand succès, tiens. Allez, c'est pour vous les filles, pour vous les chouchous. Les chouchous. Pas mal ça. Alors vous avez proposé animateur de foire, DJ, c'est revenu souvent DJ. Eh bien non, ce n'est ni animateur de foire, ni DJ, mais c'est... C'est animateur radio, comme vous les gars. C'est un collègue. Exactement. C'est Max. Non mais il faut que dans l'année on vous fasse découvrir des collègues à nous. Parce que c'est bien que Skyrock, une radio nationale, même internationale, fasse un petit peu la promo des animateurs radio de toute la France. Donc si vous en avez des bien bons du côté de chez vous, n'hésitez pas à nous les envoyer, pour nous envoyer tout ça. En effet, elle n'est pas DJ. Peut-être DJ, c'est revenu souvent. J'hésitais entre DJ et animateur radio. Je sais. Parce qu'il y avait un peu de chambre d'écoute. Mais nous on devrait peut-être se mettre une chambre d'écho le matin. C'est vrai, on devrait réfléchir à une espèce de truc comme toi. Bravo au fait hein. Bravo chouchou, c'est gagné. Je vais pas écouter votre radio, la radio de l'autre. Ah ben t'as tort, c'est radio avec Max. Mais je crois qu'il l'a fait dans sa chambre la radio. Ok, vous êtes prêts? Ok, spécial années 80 les chouchous. Oui. On est parti. Allez, on est parti. Alors attention, Vous les filles, pour vous les chouchous. On va écouter un peu Max, on va faire comme touche pas mon poste, on va faire une petite critique. Moi, de toute façon, quelqu'un qui fait de la radio, on a déjà un point commun, donc Max, je te trouve super, même avant de t'avoir écouté. Ok, merci, Diff Fuel. Difool, Max. Difool. Non, Difool, Max. Ok, j'écoute. Alors, comment s'appelle sa radio? C'est intéressant, hein? Ouais. Alors, attention. Eh bien, bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, messieurs. Bienvenue sur l'antenne de Radio SMS. C'est Max avec vous pour cette émission spéciale. Tu peux pas parler un peu moins fort? Ah, oui, parce qu'on vous a pas parlé d'elle. On vous l'a pas dit, donc il fait ça dans sa chambre. Ah, tu peux pas parler moins fort? Non, il fait ça à la maison, il fait ça où? Il fait ça dans sa chambre, ouais. Dans sa chambre, c'est ça. Donc, il y a sa femme dedans. C'est ça. Ah, ouais. Donc, c'est vrai que ça pose un problème. Imagine Cariole Romano, par exemple, qui tellement est passionné de la radio, déjà il fait deux émissions par jour, donc il est passionné. Oui. Mais ça lui manque tellement quand il est à la maison, il s'installe et puis il se met à animer, mais comme ça. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter ce soir, car il n'y a pas de très beaux films à la télévision en ce moment. Hein. Moi, je préfère encore vous proposer de la bonne musique ce soir. Ah. C'est parti pour vous ce soir. C'est parti pour vous, c'est un de nos concurrents de la radio libre. Mais bah, il met quoi comme musique, années 80 lui? Alors, comme musique, je sais pas. Je vous propose de même de danser si vous le voulez. Ah bah, allez, Rosalie, Carlos. Big bisous. Oh merde. Ah ouais. Il est en galère de nouveauté par contre. Oui. Et sa femme, donc sa femme n'en peut plus. Ah bah l'autre arrête pas de gueuler. Bah, laisse lui faire son émission de radio, laisse lui vivre. Bah oui, c'est pas croyable. Dans la chambre quand même. Vive Max. Regarde, il fait beau aujourd'hui, il pleut pas. On va pas aller au marché. J'habille aller au marché. Ah ouais, parce qu'il fait aussi l'émission le matin. Il l'a fait le matin. Il est comme nous en fait. Hein. Ouais, mais il l'a fait, mais. De la concurrence, les gars. Je crois. Mais le problème, c'est qu'il a pas d'émetteur, quoi. Non, c'est pas. Sur le web. Non, c'est sur le web. Ah si, sur le web. Ah ouais, quand même. Ah, tu peux l'écouter sur le web. Tapez radio SMS si tu tombes sur lui. Et c'est même une radio internationale parce que il est écouté dans 42 pays. Wow. La radio, il est quand même écouté dans 42 pays. Ah. Donc c'est pas n'importe quoi. J'ai même été écouté en Chine. Oui, je ne dis pas que j'ai une radio locale. J'ai une radio internationale. Internationale. Bravo Maxou. Bah il fait beau, va au marché. Bon Max, moi je lui mets allez 9 sur 10. Non mais il devrait faire participer sa femme t'as vu, à l'antenne. Ouais parce que une prise de tête en direct tous les jours, je pense que le mec il fait de l'audience. Non mais l'autre il arrive. Ouais, tu parles moins fort dans la radio. Il a des admiratrices hein, quand même. Je t'offre un océan de douceur pour que tu passes une tendre soirée. Voilà, c'est les messages du Twitter. Bah, c'est bien, il a des fans. Il en a reçu. Eh bien c'est Radio SMS. Ah vous voulez que je vous passe en bruit de l'aspirateur? Ah, ça, c'est le meilleur moment, écoutez. Alors. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. C'est Max avec vous. Il est samedi. Vous entendez le bruit de l'aspirateur derrière. C'est madame la puce qui fait son aspirateur et qui vient m'embêter comme tous les matins, d'ailleurs. T'as fini, non? Oh. Allez, je vous laisse avec monsieur Danny Briand et on se retrouve dans quelques minutes si vous le voulez bien. Eh bien, très bien, Max. Tu reviendras. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous le voulez bien. Cyril, l'iPhone 7, il est à toi. Il est bien cher, mais il est gratuit pour c'est toi. C'est de la balle. Merci, les gars. Et super. Ouais. Et gros bisous, mon chouchou. Gros bisous. Ciao. Ciao, salut à toi. Et il faut vivre sa passion. Bravo, Max. Félicitations. Bravo à Cyril de Bordeaux. Et dans un instant, les 21 Pilots. À écouter, on va retrouver Stressed Out. Mais là, il est l'heure de faire un tour. Il est pile 6h30. Vous avez vu, on est professionnels. Hein, on a de la concurrence. On fait attention aux horaires ce matin. Les infos, c'est parti, Rémi. L'actu, le sport. Et pour démarrer, votre météo. Il continue de faire beau, mais je suis un peu moins chaud. Ça dépend pour qui, tu vas me dire. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus c'est quand même un petit peu moins bien parce qu'on a des nuages là aujourd'hui, des nuages qui sont principalement à l'ouest. Quelques averses également prévues sur le sud-ouest ce matin, mais c'est vrai que dans la globalité il va faire beau. Des nuages aussi attendus sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Les températures ce matin de 16 à 21 degrés, 21 à 24 le long des côtes atlantiques et de la Manche, entre 28 et 33 degrés dans la moitié est cet après-midi, puis 26 en Île-de-France et de 19 à 25 dans le sud-ouest. Et puis la pollution pas terrible, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Orléans, Clermont-Ferrand, Perpignan, Marseille, Lyon, Mulhouse et Metz. Et prochain iPhone 7 à gagner sur Skyrock, ce sera à 7h20 tout à l'heure et on jouera à un faux ou mytho, je vous l'annonce d'avance. Et il est l'heure des infos, Rémi, justement, c'est parti, mais des vrais, hein, ce coup-ci. Hein. Deux couples en garde à vue après la découverte de 6 bonbonnes de gaz et de bidons de gasoil dans une voiture. Le véhicule, sans plaque d'immatriculation, a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche, tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'un des couples originaires du Loiret est connu pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Une grève des enseignants au menu du jour, c'était prévu depuis la rentrée, on en avait parlé. Les syndicats proteste contre la réforme du collège. Cinquième mobilisation depuis le printemps 2015. Difficile de dire si elle sera suivie. Les profs semblent pour la plupart réticents à l'idée de manifester en ce début d'année scolaire. Le cortège parisien doit partir de la Sorbonne en début d'après-midi. Manifestation prévue également du côté de Lille. Un coup de massue pour toute une ville. Le site historique d'Alstom à Belfort va arrêter sa production. Plus aucun train ne sera fabriqué sur place. La construction va être délocalisée en Alsace. 400 des 500 emplois du site sont directement menacés. La direction s'est justifiée par une baisse générale des commandes et promet des reclassements aux salariés. Une baisse de gaz au 1er octobre. Bonne nouvelle, donc les tarifs vont baisser de 0,8% dans quelques jours. Cela concerne plus de 6 millions de consommateurs en France. Un accord trouvé entre les éleveurs bovins et Carrefour. Des opérations coup de poing ont été menées hier un peu partout. La direction de Carrefour et les syndicats n'ont mené des négociations que pendant 3 heures. Le géant de la grande distribution accepte de rémunérer les éleveurs en fonction des coûts de production. Et on parle sport maintenant avec peut-être une nouvelle aventure pour Verratti. C'est vrai ça? Ouais. Et du tennis? Ouais, il est prolongé Verratti pour la 4e fois au PSG avec un contrat qui court jusqu'en 2021. Le milieu de terrain parisien a bien du mal à se remettre d'une opération pour une pubalgie. L'italien tarde un petit peu à retrouver son meilleur niveau, ce qui pourrait faire perdre patience à Unai Emery. Alors bien évidemment, tout cela n'échappe pas à Carlo Ancelotti et il se murmure que le Bayern pourrait faire une offre mirobolante au PSG. La presse italienne évoque un chèque de 100 millions d'euros pour recruter le maestro parisien. Il avait déjà évoqué, Verratti, le fait qu'il aimerait bien un jour retrouver Carlo Ancelotti. Et puis du tennis avec l'US Open de New York. Gaël Monfils affronte demain en demi-finale le numéro 1 mondial Novak Djokovic. D'ici là, c'est la paire française qui se hisse également dans le dernier carré en double. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont battu les tenants du titre et peuvent désormais rêver de soulever à leur tour la coupe dans quelques jours. Eh bien, allez les bleus et merci Rémi pour les infos. Ouais. On te retrouve tout à l'heure à 7h, il est 6h33 sur Skyrock. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Oui, c'est vrai, en pleine forme déjà. Et Romano déjà très, très excité. Très excité car. Ah, mais je n'en peux plus. Dans 7 minutes, Romano, c'est l'heure des conseils pas chers. Oui, lâchez-moi. À 6h40, on le lâche et il ne répond plus le dur. On va parler nouvelles technologies dans les conseils pas chers. Ouais, télévision en particulier. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a l'iPhone, on en a parlé tout à l'heure dans les infos, on en a parlé hier soir. On a eu un gros débat hier soir sur l'iPhone, c'était super. Un débat houleux. Un débat, oui, houleux où chacun a parlé sans se retenir. Ouais. C'est ça, Skyrock. Et on va parler des nouvelles télés qui vont arriver. Alors, des nouvelles télés, il y a des télés de fous qui vont arriver. Tu nous en parles, tu nous fais le descriptif, vous saurez tout sur les nouvelles télés. Ouais, parce qu'il y avait un salon à Berlin, là, l'IFA, ça s'appelle. Ouais. Et c'est là où toutes les marques présentent un peu les nouvelles technologies qui vont arriver dans les années qui arrivent. Et ça t'a donné, bien sûr, une idée pour escroquer la France entière. Mais oui, bien sûr. Comme tous les matins, donc à 6h40, maintenant dans 6 minutes, les conseils pas chers arrivent. Avant ça, on vous l'avait promis, 1500 euros à gagner, c'est maintenant. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et oui, en répondant Skyrock, 1500 euros à gagner. Et j'ouvre l'enveloppe avec un chèque à l'intérieur et avec un numéro de téléphone qu'on va appeler. C'est parti, ce matin dans le 95. Vous écoutez Skyrock dans le 95. C'est peut-être pour vous les 1500 euros. On appelle la famille Hadid, Tariq Hadid. Bonne chance Tariq et on est à Argenteuil. 9-5. Exactement. Allez, c'est parti, Cédric. C'est quand tu veux, Cédric. Tu appuies sur le bouton. Voilà. Ah, ça sonne, regarde. Quand dans le jingle, il disait vous êtes tous en pleine forme. Peut-être pas Cédric. Allô. Bonjour, monsieur Hadid. Oui. Monsieur Hadid. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la radio au téléphone. C'est Tariq. C'est Tariq, oui. Salut, Tariq. On est en direct à la radio, Tariq. Et on vous a tiré au sort, les Hadid. On t'a tiré au sort, Tariq. C'est pour gagner 1500 euros. On a 1500 euros à t'offrir. Il faut juste répondre à une question. C'est sérieux ça? On est toujours très sérieux. Ah, très sérieux là. C'est sérieux. C'est le morning le plus sérieux de France qui t'appelle. Hein. D'accord. Tariq, il faut me dire quelle est ta radio préférée? C'est Skyrock. C'est Skyrock. Eh bien, bientôt le matin, Tariq, à 6h35, bah, tu peux te réveiller en pleine forme. Hein. T'as déjà gagné 1500 euros. 1500 euros pour toi, Tariq. Bravo, Tariq. Bravo. Ça fait plaisir, ça. Oui, Tariq. Eh ben, nous aussi, ça nous fait plaisir, Tariq. Bien joué. Eh, tu vois pourquoi on se lève tôt. Hein. Eh ben, merci à toi, Tariq. Bravo. 1500 euros qui tombent à Argenteuil. T'es bien Argenteuil, c'est ça? Et merci pour tous les livreurs aussi. Ah bah tiens, petite dédicace à tous les livreurs qui sont nombreux à nous écouter tous les matins. Ouais. Big up les livreurs et gros chèque pour Tariq hein, ce matin. Ouais, c'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton chèque, Tariq? Ah bah, je vais partir en vacances dans pas longtemps. Hein. On est le 8 septembre et tu vas partir en vacances. T'as raison, Tariq, bien joué. Ah bah oui, et attends, je suis retourné il y a 2 semaines, là j'en pars dans 1 mois et demi. Voilà, bah c'est bien, Tariq, voilà. Il y a 2 semaines, c'est les vacances dans 1 mois et demi. Entre-temps, t'as gagné sur Skyrock, ouais, c'est pas mal, hein, pour avoir des vacances en plus. Les prochaines vacances sont financées. Ça y est, c'est fait. Merci les gars, on vous écoute tous les matins. Très bien, t'es avec les collègues là ou t'es à la maison? Je suis avec un collègue. Ah, t'es déjà avec un collègue? Eh bah... Il s'appelle Amar. Hey, Amar, vas-y, gratte-le, fais-toi offrir un petit déjeuner gratuit, les croissants. Ouais, avec 500 euros. Les croissants, une orange pressée, enfin la totale. Le café avec. Le café avec. Ça, hein. Et le cul de la serveuse aussi, même. Bravo, Tariq. 1500 euros, premier gagnant de ce matin. C'est sans doute pas le dernier. J'espère pour vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Hein. On va peut-être vous appeler ce matin. Et puis, si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous pouvez vous inscrire au 7-20-20. Vous envoyez 1500. Bien joué, Romano. 1500 oui. Au 7-20-20. Toute la journée, pendant tout le morning, maintenant, si vous voulez. Jour et nuit, ça fonctionne. 24 heures sur 24. H24, comme on dit. Ouais, 7 jours sur 7. 7 sur 7. 365 jours sur 365. 24-7, on dit aussi. Ah, rien. Voilà, 7-20-20. Bravo, Tariq. Et bon courage. Merci. Bon courage pour le boulot. Et 1500 euros qui viennent de tomber. Bis Tariq. Ciao Tariq. Ciao. Et raccroche ciao, pas. Ciao. Hein. Raccroche pas. T'envoies ton chèque très très vite. Il arrive à la maison. Et un big up aux collègues. Ouais, Omar. Amar. Amar. Amar. Ouais. Salut. Ciao. Salut Tariq. Ciao. Ciao. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Soit de bonne pilote sur Skyrock avec Ride à 6h40. Dans un instant, ils arrivent, Rihanna, Calvin Harris. On va faire dans les duos, tiens. On va faire même dans plus que des duos, parce qu'on va retrouver un groupe, le Escrew. Le groupe de Nekfeu qu'on va retrouver aussi avant 7h du matin. Avec J'aurais pas dû, j'aime bien ça, du Ken Jones tout à l'heure. Et tout de suite, du Romano avec vos conseils pas chers. Conseils pas chers, nouvelle technologie, attention. High-tech. Rihanna, 245 millions sur son compte en banque. Hello. Romano fera-t-il plus fort? C'est les conseils pas chers sur Skyrock. T'aimerais avoir le compte en banque de Rihanna? Ouais, ouais, ouais. Ah, t'aimerais bien. 245 millions, je prends. Tu veux que la prochaine fois que je l'ai au téléphone, je lui parle de toi, Romano? Bah, j'aimerais bien, ouais. Que je lui dise que t'es un peu le prince du hip-hop, beau gosse, séduisant et en plus malin, parce qu'il a plein d'idées pour escroquer les gens. Bah, si elle pouvait me donner un petit chèque, Rihanna, je veux bien. Riri, ah, si tu nous écoutes, I tell to you I tell you tout court. I tell you tout court. Voilà. I tell you tout court. Là, je suis sûr qu'elle va comprendre. Non, je voulais pas faire une phrase en anglais, mais je me suis dit, bref, ouais, je vais pas vous faire chier le matin avec ça. Je suis tombé, Cédric va rien comprendre. Ça. Ouais, oui, il va falloir que je traduise. Autant le dire en français tout de suite. Bon, alors, c'est parti pour vos conseils pas chers et high-tech avec les nouvelles télés. Ouais, nouvelle télé. C'est Panasonic qui a présenté une nouvelle télé extraordinaire. Ouais, je vous rappelle que Romano a une nouvelle télé depuis la rentrée. Il en est très content. Hein. Bah, j'avais pas le choix parce qu'en fait, quand j'ai rallumé mon courant revenant de vacances, la télé a cramé. Donc, elle a pris un coup de jus. Ouais, ouais, ouais. Elle était vieille, j'ai acheté une nouvelle télé. T'as appris quelle marque déjà? C'est quoi, Thompson? Thompson, t'en es content? Bah, franchement, ça va. Elle marche bien? Ouais, ouais. Ah bah, j'ai mis des belles chaussures. J'allais le dire. J'espère que tu lui as acheté des belles chaussures aussi. Non, non, mais elle est parfaite. Elle est 4K, elle est merveilleuse. Alors, c'est quoi les télés du futur? C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Bon, c'est Panasonic là qui a présenté au salon de Berlin, là, l'IFA, salon d'un peu des nouvelles technologies, une nouvelle télé. En fait, la télé maintenant, c'est une vitre comme une fenêtre. Et transparent? Ouais, totalement transparent. Et quand tu l'allumes à ce moment-là, bon, la télé apparaît. C'est comme si tu collais un morceau de verre sur ton mur. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Ça va être ça. Par exemple, t'as une vitrine, hop, tu vois à travers, et quand t'allumes, il y a la télé qui apparaît. Comme ça existait déjà pour les miroirs de salle de bain, ils avaient déjà annoncé ça. Mais il y avait aussi les télés qui se plient, enfin qui s'enroulent. Ouais, mais ça va arriver aussi, ouais, dans quelques années, là. Ah, d'accord. Mais là, la principale innovation, c'est pas Panasonic. C'est la prix, non, c'est ça. elle va. Oui, bon, ils ont pas donné le prix. Elle sera commercialisée en 2020. Ouais. Et ça va arriver, et a priori, toutes les marques vont se lancer là-dedans. Donc, dans quelques années, on aura plus d'écran, ça sera simplement une vitre posée quelque part. Très bien. Et ça deviendra télé. Ça va être bizarre, hein. Le monde du futur va être bizarre. Mais là, si, j'ai vu un truc parce pas que mal. La télé là. Qui s'enroule, c'est pas mal. À la limite, tu pourras avoir la télé sous le bras, la déplier comme ça. Ouais, c'est ça. Je déplie ma télé, je la mets au mur. Non, là, j'ai vu un truc, là, cet été, j'ai acheté Capital, le magazine. Oui. Et il présentait des nouveaux objets du futur. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est la valise connectée. C'est-à-dire que la valise, c'est une valise à roulettes. Ouais. Mais au lieu de la traîner par exemple dans l'aéroport, en fait elle est reliée à ton téléphone portable et elle te suit à la trace comme un chien. C'est voilà. Bien ça. Et si tu veux l'abandonner sur une aire d'autoroute, t'es obligé d'abandonner le téléphone en même temps. Bah oui, il faut te déconnecter. Ah, tu te déconnectes. Et ce qui est pas mal, c'est que la valise, par exemple, quand tu feras la queue pour faire enregistrer tes billets ou quoi que ce soit. Cédric fait souvent la queue, j'ai remarqué. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Et ben bah, la valise, écoute bien, la valise, t'appuieras sur un bouton de ton téléphone et la valise à ce moment-là se transformera en siège. Wow. Et tu pourras t'asseoir en attendant de te faire enregistrer. Ah, le monde du futur. Eh ouais. Par contre, quand t'as plus de batterie, le truc il te suit plus quoi. Il non, est perdu. Ça y est, ben là tu peux le prendre à la main, tu vois, comme une valise classique. Sois pas bête. Oui, c'est vrai, Cédric. Voilà, oh monsieur, bonjour. J'appelle pour le dépannage de la valise. Je peux plus bouger, elle n'avance plus. Ouais, la valise, elle veut plus bouger. Elle bouge plus. Alors ce matin, j'arrive chez les familles avec, je leur livre la nouvelle télé Panasonic. Wow. J'en ai un exclu. Bon, elle va coûter assez cher. Je vais dire qu'elle est à 5 000 euros. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, 5 000-10 000 même. Hein. Non mais 5 000, c'est vraiment le petit écran. Hein. S'il y en a un qui te dit oui, Romano. C'est-à-dire, je m'en coupe une. Non, faut pas exagérer parce qu'il est capable de réussir. Mais, oui. Mais bravo. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour. C'est la femme de Jackie? Oui. Ah, c'est bien vous que je voulais avoir au téléphone. Excusez-moi de vous déranger. C'est le livreur à l'appareil. J'ai votre nouvelle télé à vous amener. J'ai pas commandé de télé. Ah bah si madame, vous avez commandé une télé, parce que moi je l'ai pas reçue du bon Dieu, la commande. Bah, elle est pas tombée du ciel, hein. C'est peut-être Jackie, il est dans le coin, Jackie? Bah oui, attendez. Ah bah passez-le moi, parce que moi j'ai la télé Panasonic là, toute transparente qui arrive. Allô? Oui, bonjour, c'est Jackie? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'ai expliqué à votre femme qui n'a rien compris. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Ouais, non, mais ça va pas, non? Ah bah si, ça va très bien, vous avez passé la commande, moi je vous la livre ce matin. Hein. Non, mais tu déconnes, là. Ah bah non, une télé Panasonic, le tout dernier modèle, toute transparente. Eh, vous êtes fait plaisir, il y en a quand même pour 5000 euros. Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais commandé de télé, non? Alors, mais une télé, c'est un écran, et dedans, il y a des images qui passent. Mais je vous dis que j'ai jamais rien commandé. Ah bah monsieur, faut pas vous énerver, vous en souvenez peut-être plus, hein. Non, mais ça va pas, non? Peut-être que vous buvez, vous avez des trous de mémoire. Oh, faudrait y aller mollo, là, hein? Ah bah, faudrait y aller mollo. Moi, le problème, c'est que je vais arriver dans 5-10 minutes avec la camionnette, hein. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah bah, et puis surtout, n'oublie pas les 5000 euros, mon Jackie. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça déconne, là. Ah non, mais une télé, elle déconnera pas, elle est en parfait état. Hein. Elle est neuve, elle est encore dans le carton, hein. Ouais, oui, ça. Ah. Non, il y a un truc qui va pas, là. Non, mais si, Jackie, tu pourras regarder des films de cul, ça sera magnifique. Ça sera en 4K. Hein? Ça sera en 4K. C'est pas ce que c'est. Ouais. C'est une super image, quoi. Voilà, 4K, c'est un gâteau. Voilà, non, c'est ça. Bon, Jackie, j'arrive dans 5 minutes. Mais non, c'est pas la peine. Hein. Ah bah si, t'as dit que tu m'accueillais. Vous allez l'essayer. Vous êtes en train de déconner. Il y a quelqu'un qui déconne là. Ah non, mais c'est mon collègue, le livreur là. Ouais, on regardera la télé, on se fera un petit. Allez, on regardera le téléachat ce matin. Ouais. Mmh. On se fera un petit délire en buvant un petit café. Voilà. Et, oh là, on va manger du quatre-quarts. Et l'installation est offerte hein, pour 5000 euros, je peux te la brancher. Hein. Bravo. Bravo. Non, mais c'est. Ouais. Bon, allez, Jackie, de toute façon, on n'en parle plus. Moi, je suis en route, j'arrive dans 5 minutes, ma poule. Ouais, oui, bah, je vais te recevoir. Ah, bah, c'est le but. Eh ben, je te remercie, Jackie, de ta coopération. Et, bon. Et j'arrive tout de suite, là. Oui, bah, je te dis, je vais te recevoir. Ah, bah, c'est très gentil. Merci à toi, Jackie. Oui. À tout de suite. À tout de suite. Prépare les 5000 balles. Merci Jackie. Bah, il est très content. Et merci Jackie et Michel. Ben oui. Bah bravo Romano. Ah bah voilà, c'est fait. Sympa quoi. Il était content. Ouais. Hein. Ah bah heureux. Ça s'est entendu. Dès le début. Moi, dès le début, je sentis qu'il était. Je vais te recevoir. Voilà. Moi, je vais te dire à mes potes qu'il y a une télé qui fait du 4K. Ouais, c'est bien, ouais. Voilà, super. Mais c'est bien. Bah, c'est pour un con. Il y a El Ritano qui nous envoie une télé avec son fils à côté. T'as le fils, il est plus petit que la télé. 192 cm. Tu vas me dire. Ah bah lui aussi je crois. Ah ouais, toi aussi t'es plus petit que la télé, c'est ce que j'allais dire. El Ritano, bon, les nouvelles télés on a la photo à mettre de la télé. Ah il y a même la photo, on a une vidéo. Et la vidéo. Ouais, il y a une vidéo, il y a Panasonic qui a sorti une démo et donc on va vous la mettre sur nos réseaux. Eh bien hashtag Morning de Difool pour aller sur Twitter et sinon vous allez sur tous les réseaux de Skyrock, allez-y, le Facebook de Sky, le Skyrock Snapchat. FM, Skyrock FM partout. Et Skyrock FM partout. Vous pourrez voir la nouvelle télé high-tech de Romano ce matin. Ouais, dans un instant le sondage du jour comme tous les matins juste avant 7h, on découvre le sondage du jour et aujourd'hui, ah bah tiens, vous pouvez même réagir. On va parler des galères de sexualité. Ah, quand vous, entre 16 et 21 ans, c'est un sondage qui était fait sur les 16-21. Donc rappelez-vous, quand, si vous avez plus 16 ans ou 21 ans, ou entre les deux. Tu vas t'en souvenir, Cédric, parce que pour toi, c'est loin. Ouais, t'inquiète. Ah bah, oui, moi, c'est aussi, il n'y a pas longtemps. Ah, moi non plus, c'est pas longtemps. Quelles étaient les galères que vous avez eues? Vous allez me dire, ça concerne les autres aussi. Les galères de sexualité que vous avez eues. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Le sondage, on le découvre dans un instant. Juste le temps d'écouter Calvin Harris et Rihanna, comme je vous l'avais promis. Et puis votre horoscope qui arrive, on n'oublie pas. Dans moins d'une minute, l'horoscope de l'amour. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, dont YouTube et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est dû au débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore. Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio. On s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Attention, c'est reparti avec l'horoscope de l'amour. On va tout découvrir ce matin. Attention. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh bien, on espère la bonne note ce matin. Bon, si vous êtes vierge et bélier, pas trop, hein. Puissance amoureuse à zéro aujourd'hui. Un problème, vous ressassez le passé. Ne pensez pas au passé. Ne ressassez pas le passé. Allez de l'avant et ça se passera mieux comme ça. C'est le petit conseil qu'on peut vous donner, les vierges et les béliers. Mmh. 1 sur 5, les capricornes et les scorpions. Eh ben, dites donc. Ça casse les règles un peu, les capricornes, non? Oui. C'est que je suis capricorne et je suis ascendant scorpion en plus. Voilà. Pas de chance. Ciel un peu nuageux sur le plan sentimental aujourd'hui, mais ce sera beaucoup mieux du côté de l'amitié. Ah, bah, je compte sur vous. Les copains. Bah oui. 2 sur 5, les taureaux et les poissons. N'ayez pas peur de vous dévoiler, de vous montrer tel que vous êtes. Ah si, si, nous on a peur, nous. Cédric. Ouais, ça va. Voilà, je vais me dévoiler. Aïe, aïe, aïe. 3 sur 5, les balances et les cancers. Célibataire, votre look vestimentaire vous permettra de vous démarquer aujourd'hui. Ah, vous allez faire attention à votre look, et c'est bien. Et si vous êtes en couple, c'est une journée pleine de tendresse à savourer en amoureux. 4 sur 5, les sagittaires et les gémeaux. Vous avez plein d'idées pour séduire ce jeudi, c'est bien, Cariole. Lâchez-vous. Et les Verseaux et les Lions sont les meilleurs. Palme d'or pour les Verseaux et les Lions, 5 sur 5. Vous raflez tout aujourd'hui, peut-être déjà commencé avec les conseils pas chers. Ouais, ouais, ça commence bien, ouais. Ce sera un vrai soleil pour les autres. Oh. Voilà pour l'horoscope de l'amour et dans un instant notre sondage du jour, les galères de sexualité. C'est la galère. Ouais, la galère. Allez, on en reparle tout de suite après Rihanna et Calvin Harris sur Skyrock. tous les matins, 6h-9h, c'est le Morning de Difool sur Skyrock. Hi, this is Calvin Harris. Hi, this is Rihanna, and you're listening to Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Calvin Harris, et voici notre sondage du jour à 6h53 sur Skyrock. On parle des galères de sexualité. Quelles sont les petites galères que vous avez eues? Ah, oh, moi je vous rappelle une galère, c'est mettre la capote parfois quand t'es un petit peu trop excité. Ah, les premières fois, ouais. Ça glisse de partout, la capote est lubrifiée, t'as les mains qui glissent, t'es un peu stressé, tu tremblotes un petit peu pour mettre le. C'est pas facile. Le capuchon. Et oui, puis moi j'avais pas pigé, je savais pas à l'époque qu'il y avait des capotes XXL. Bah ouais, parce que c'était un peu serré, bah oui. Toi. Bah oui, j'arrivais pas, c'était serré, tout ça. Tellement tu as un gros sexe. Énorme. Merci, Carriole. Carriole l'a vu. Je l'ai vu. J'ai montré. Ouais, ouais. Comme ça. Moi, j'ai fermé les yeux à ce moment-là. Oui, parce que Romano était à côté. J'étais à côté, j'ai dit non, je ne peux pas avoir ça. On fait tout en famille, hein, c'est comme ça. Ouais, ouais, ok. Bon, Romano, tu te rappelles. Tiens, Cédric, il est jaloux. Petite non, galère, ça va. Petite galère de sexualité, Romano. Ah, bah ouais, moi, il m'a à peu près tout arrivé, moi. Je n'ai pas réussi à bander, je n'ai pas réussi à mettre le capote, et après, j'étais précoce. Tout ça avec Carriole. Et pour la première nuit. Et pour la première, quel beau souvenir qu'il y a là. Ah ouais. Je sais même pas comment ça se fait que je suis encore avec. Moi non plus. Et après on s'est traité. Oui. Ah ouais. Ben avait traité de connard, je lui avais dit connasse. Ah bravo. Bon Cédric, on sait. Hein. Tu es précoce. Bah oui. Ouais, vite fait, ça m'est déjà arrivé. Puis vite la capote. Fait, ouais, c'est le cas de le dire. Précocité, c'est vite fait en général. Ouais. Tu es précoce en fait. Je sais. Un soir, j'avais qu'une capote, j'avais foiré pour la mettre et du coup, j'ai paniqué. Ouais. Bah j'ai niqué qu'une chaussette. Non. Et si. Bah je suis très bien. Oui, non, mais allez, ça, allez, on en parlera un autre jour. Attends, Cédric, s'il te plaît. Bah voilà, j'avais plus de capote, il fallait bien faire un truc. Bah oui. Petite galère de sexualité. Moi, non. Jamais? Non, à part avec Romano, c'est lui qui en a eu des galères, mais moi, jamais. Ah, c'est tes mecs qui ont des galères. Ah ouais, moi, j'en ai jamais eu, tout va bien. Bon, voici donc notre sondage du jour. Le sondage du Morning de Difool sur Skyrock. Alors, notre sondage du jour, quelles sont les trois galères de sexualité chez les filles et chez les mecs? On commence par qui? Allez, honneur à vous, les filles. Ah bah oui, quand même, nous sommes galants. Allez, c'est oui, on est galants. Alors. Attention, c'est parti, les trois galères des filles. Alors, attention, oui. On y va. Numéro 3. 9% des filles ont déjà eu une petite douleur physique quand elles font l'amour. Ah, quand elle est trop grosse.

J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Trahis pas mes potes. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pauvre extravagante. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand le diable me remet dans le mal. Le fait que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white weed. Et qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. Nekfeu et le escrew sur Skyrock à 7h01. Le gros son s'appelle J'aurais pas dû. Et dans un instant Ken Jones arrive. On va se faire l'inon des Major Lazer. Ouais, c'est bien ça. Ça nous rappelait l'été d'il y a quelques années. Il y a un an d'ailleurs. L'été d'il y a un an et même toute l'année dernière, parce qu'on l'a écouté beaucoup, Linon. Linon a écouté DJ Snake avec Justin Bieber, du Pitbull, du Florida, du Vita, du Jul. Et c'est pas fini, hein. On est là jusqu'à 9h. Profitez bien de cette matinée. Il y en a un qui a déjà bien profité de la matinée. Entre autres, hein, c'est Tariq à Argenteuil. Il a gagné ses 1500 euros. Et les 1500 euros sont de retour dans un instant. Ouais. Et c'est toi qui as l'enveloppe, Romano? Oui, oui, j'ai l'enveloppe, c'est bon. Eh bien, on ouvre ça dans 2 minutes, le temps de faire le tour de l'actu avec Rémi sur Skyrock. Il est l'heure de la météo. Météo pour aujourd'hui, est-ce qu'il va encore faire beau? Oui, ça va. En globalité, il fait beau aujourd'hui, mais on a quand même une petite perturbation là qui arrive par l'ouest et du coup qui va donner des nuages et même des averses prévues donc dans le sud-ouest ce matin. Le ciel sera voilé sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Les températures qui restent douces, de 16 à 21 degrés ce matin, 21 à 24 le long des côtes atlantiques et de la Manche, entre 28 et 33 dans la moitié est cet après-midi, 26 en Île-de-France et de 19 à 25 dans le sud-ouest. Et puis la pollution, c'est pas terrible. Les indices compris entre 4 et 5, 5 à Orléans, Clermont-Ferrand, Perpignan, Marseille, Lyon, Mulhouse et Metz. Et l'actu, pour tout savoir, c'est maintenant l'actu et le sport aussi. Et on parle de l'iPhone depuis hier, mais il y a un autre produit technologique qui sort bientôt et qui mobilise l'intérêt. Il s'agit de la PS4 Pro qui arrivera dans les rayons le 10 novembre. La console a été présentée en grande pompe hier dans un théâtre new-yorkais. Elle est équipée d'une puce graphique 2 fois plus puissante que l'actuelle PS4. Grosse qualité d'image donc en ultra haute définition 4K selon votre télé. Le modèle s'adresse aux gros gamers qui veulent s'approcher du réalisme. La bonne nouvelle, c'est que les prochains jeux seront compatibles aussi bien avec la PS4 normale qu'avec la PS4 Pro. On pense par exemple au nouveau Call of Duty. Le prix par contre pique un peu, hein, puisqu'elle sera vendue à 399 €. Mais normalement, l'effet levier devrait faire baisser le prix de la PS4 actuelle. Donc finalement, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc en gros, tu peux acheter 4 PS4 nouvelles pour le prix d'un iPhone. Limite, ouais. Au moins 2. Oui, au moins 2,5, allez. Voilà. Salah Abdeslam va-t-il enfin s'expliquer? Le seul survivant des attaques du 13 novembre sera entendu ce matin par le juge antiterroriste. Il avait refusé de répondre aux questions en juillet dernier. Il garde le silence depuis son transfert de la Belgique en avril. François Hollande peut-être va faire un pas vers la présidentielle aujourd'hui. C'est ce que souhaitent ses soutiens qui confessent vouloir sortir du brouillard. Le président est attendu à la salle Wagram à Paris pour un colloque sur la démocratie face au terrorisme. Les derniers sondages le créditent à 12% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Un décès étrange à Sevran, en banlieue parisienne. Un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé mort dans la rue. Là où c'est bizarre, c'est qu'il était habillé en tenue de super-héros. L'individu serait tombé, mais une autopsie devrait venir éclairer la lanterne des enquêteurs. Les voisins affirment qu'il avait l'habitude de se promener comme ça la nuit, un petit peu comme dans le film Kick-Ass. Très bien. On fait le point sur le sport maintenant avec un beau geste dans le foot à signaler et puis les JO paralympiques qui ont démarré. Ouais, c'est important de le souligner, hein. C'est Martin Braithwaite qui en est à l'origine. L'attaquant de Toulouse a décidé de reverser 1000 euros par but inscrit à des associations caritatives. Et le mec est goal. Ouais, non, il n'est pas goal, il est attaquant. Ah. L'annonce a été faite sur Twitter et depuis il a déjà claqué 2 buts. Alors le premier don a été fait, hein, et directement quelques jours après à une association de parents d'enfants prématurés. C'est bien. Des milliers de personnes réunies dans l'enceinte du mythique Stade Maracana à Rio. Très belle cérémonie d'ouverture il y a quelques heures là pour les 15e Jeux Paralympiques. 4300 sportifs présents sur place, dont 126 Français qui seront représentés dans 17 disciplines. Alors aucun Russe présent après les différentes affaires de dopage. Les Russes, assez drôle, hein, ils organisent leur propre JO entre eux, chez eux, en Russie. Ça, ils sont sûrs de gagner. Ouais, voilà, ils sont sûrs de gagner. En tout cas, place désormais au sport avec comme objectif de faire mieux qu'à Londres il y a 4 ans. La délégation française était rentrée à la maison avec 45 médailles dans les valises, dont 8 en or. Merci Rémi, les infos, la suite tout à l'heure à 7h30, il est 7h05 sur Skyrock. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et oui, le morning est là en direct. Bienvenue à vous. Si vous venez de vous réveiller, vous tombez bien. Il y a du gros son. Il y a un gros iPhone à gagner, l'iPhone 7. On vous l'offre tous les matins. Il y en a 3 à choper. Hein. 6h20, 7h20. Donc ça, c'est dans un quart d'heure. Et 8h20. Et 8h20. Et à 7h20, on jouera avec Info ou Mytho, les meilleures infos du monde avec notre équipe de journalistes. Une équipe de journalistes à votre service. La rédaction Skyrock est au taquet ce matin. Ah, au taquet du taquet. Le directeur financier de Skyrock est en réanimation aussi encore ce matin. On a déjà offert 1 500 € tout à l'heure à Tariq. Et c'est pas fini, hein, puisqu'on joue toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner. Vous vous inscrivez si vous voulez augmenter vos chances de gagner au 7-20-20. Vous envoyez 1 500, n'importe quand, dans la journée, au 7-20-20 pour gagner des sous. Ouais. Et je vois que Romano a les sous dans la main, puisque l'enveloppe, c'est toi qui l'as. Ouais, elle est là, elle est dans ma main. Et moi, j'ai une star à vous présenter. Il est là. Je sais pas si t'as reconnu Romano, il veut te dire bonjour. Salut Adrien! Adrien, non, ah non, pas du tout, moi c'est Romano, moi. Mais Cyril, mais c'est Romano, regarde! Romano de Skyrock, tu l'as reconnu, regarde comme il est beau. Merci. Ah, bah de rien. J'ai fait de lui dire. Oui, si, c'est bon. Ouais. Oui, oui. Cyril Hanouna, c'est notre réveil de star de ce matin. Il est très, très chaud. Tu veux te masser? Oui, je sais. J'aime faire l'amour. Oui, bah, un peu comme tout le monde. Hein. Et quand tu fais l'amour avec Cédric, comment ça se passe? Ça se passe bien? J'aime bien te faire chier. Ah, tu aimes bien te faire chier. Eh bien, tu vois, Cédric, voilà quelqu'un qui est prêt à faire l'amour avec toi. Oh là, bah, il va pas être déçu. J'imagine qu'il va pas être déçu. Cyril Hanouna arrive. Réveil de star. On va le retrouver juste après les 1 500 €. Ça va chier des bulles carrées, hein. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop beau. Maintenant et avant que Cyril Hanouna, notre star du jour, réveille la France, c'est nous qui allons passer un petit coup de fil. Pour réveiller qui donc ce matin? Eh bien, nous allons chez une Laetitia. C'est une Laetitia. Laetitia, oui. À Perpignan dans le 66. Ah. C'est Laetitia Corsiulo. T'as galéré là. Corsiulo. Laetitia Corsiulo. C'est vrai, t'as pas eu de chance là. Hein. Romano, il lui faut des mots simples à dire. Allô, oui, Madame Corsiulo. Oui. Bonjour Laetitia. Je l'avais très bien dit. On est en direct à la radio. Et on vous appelle ce matin, Laetitia, parce que vous a tiré au sort. Ah d'accord, alors attendez, je vous passe ma fille, c'est ma fille alors. Ah, c'est la professionnelle. C'est comme vous voulez, ouais. Allez, passez-nous votre fille si vous voulez. Vous la passe. Professionnelle des tirages au sort. Voilà, la fille s'occupe des tirages au sort à la radio. Uniquement, oui. Ouais. Alors on va voir si elle va gagner les 1 500 €, la fille. Allô? Allô, madame, vous êtes mademoiselle Corsiulo, vous? Oui. Oui, bonjour, votre prénom c'est comment? Laetitia. Ah, c'est vous, Laetitia. Ah. Alors, Laetitia, on vous appelle pour vous offrir des sous ce matin. On a 1 500 € à vous offrir. Ouais. Il faut nous dire quelle est votre radio préférée. Si vous avez la bonne réponse, le chèque, il est pour vous. Ah, mais. Énergie. Mais non. Cette radio. Non. Maintenant, faut arrêter, madame. Tu dis des noms qui sont pas bons. Mais alors, Laetitia. Non, faut arrêter. Mais ça fait longtemps que j'ai joué, je me souviens plus, moi. Ah, ben non, mais on t'a tiré dans l'annuaire. Ah oui. Nous, c'est Skyrock au téléphone. Ah putain, Skyrock. Eh ben oui. Eh ben oui, c'était nous. Putain, Skyrock. Ouais, vous chiez. Oh, je l'avais sur le bout de la langue. Désolé, Laetitia. On avait 1 500 € à t'offrir. T'aurais répondu Skyrock, t'aurais gagné. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est... tant pis. Pour la prochaine fois, il faudra attendre le tirage au sort. Ben ouais. Ou alors, si tu veux t'inscrire, parce que a priori, tu t'es inscrite, pas chez nous, mais tu t'es inscrite, c'est au 7-20-20, t'envoies 1 500 et puis on peut te rappeler un de ces prochains matins. Eh ouais. Au 7-20-20. 7-20-20. Et tu envoies 1 500. 7-20-20. Bon, tu salues tout Perpignan, t'embrasses Laetitia et bisous à la maman. Bisous, bisous. Merci. Salut Laetitia. Bisous. Ciao. Et les 1 500 € reviennent dans une demi-heure. Hein. On espère que vous aurez plus de chance. 1 500 €, vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Non, putain, non, je suis refait là. Dès le réveil. Ah bah oui, ça fait ça quand on répond Skyrock. Hein. Eh oui. Oh réveil de star dans un instant. Allez, Cyril Hanouna, il arrive. Oh là là. Ah, c'est Ken Jones. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American. for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Et ouais, c'est lui, Ken Jones, c'est Don't Mind sur Skyrock à 7h12. On va passer maintenant au réveil de star du jour. Vous avez envie de vous faire réveiller par une star? Eh bien, c'est ce qui arrive aux familles de France. Elles ont même plus de chance que nous. Elles vont se faire réveiller ce matin en plus par Cyril Hanouna. Cyril Hanouna ne touche pas à mon poste de C8. La chaîne est à lui, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, c'est plus que D8, c'est C8. Ouais, c'est C8. C'est vrai que l'année prochaine, ça devient B8. Ah ouais? Ouais, ouais. Et A8. Donc. Et après, ce sera A8. Ils sont en train de négocier avec Cody parce qu'ils ont une voiture qui a le même nom, mais. Oui, c'est vrai, ils sont un peu dans la merde pour ça, là. Mais C8, Citroën, ils ont pas C8, ça n'existe pas. Hein, t'imagines s'ils en sortent une. Un Citroën C8. Bon, Cyril Hanouna arrive. Allô, allô. Oui, on est en ligne, Cyril. On arrive. On est là, on est prêt. Comment ça va? Ça va bien. On a passé un bon début de morning. On espère que ça va continuer comme ça. On a bien rigolé. Lui aussi, il est en pleine forme. Lui aussi. Eh ben, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? On y va pour le réveil de star, Cyril. Effectivement, il y a un problème. La Citroën C8 existe. Elle existe, ouais. Ah ouais? Elle existe. Faut leur dire à Citroën. Faut les appeler. Ils vont porter plainte contre le C8. Ils vont être obligés de rechanger de nom. Bah, je te dis, B8, ça existe pas. Non. Bah, ouais. Bon, c'est parti. On y va pour le réveil de star. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors? Les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Et il réveille Adrien ce matin, Cyril Hanouna, sur Skyrock. Le réveil de star à 6h10, 7h10, 8h10, et là c'est à 7h13. Oh là là, on se croyait dans Touche pas à mon poste. Ouais. Oh. Allô? Allô, allô? Allô? Salut Adrien. Ah, c'est mon fils. Vous êtes qui? C'est Cyril. Cyril Carlier, moi. Oui, je crois. Ah, d'accord. Je vais l'Adrien. Merci. Adrien, il y a Cyril qui t'appelle. Au téléphone. Ouais. Comment ça va? Ouais, c'est qui? C'est Cyril. Salut Adrien, c'est Cyril Hanouna. Hanouna, ouais, c'est ça. Mets-toi tout nu, je vais arriver. De quoi vous parlez? Je vais te mâcher. Bah allez vous faire foutre, là, de quoi vous parlez, là? J'aime faire l'amour. Oui, vous avez que ça à faire, là, d'appeler, là. J'aime bien te faire chier. Ouais, bah oui, bah moi j'aime aussi, moi, vous allez voir ce que ça va faire aussi. Tu es l'arc-en-ciel de l'amour. Oh. Ouais, bah tu es enculé, connard. Oh, comme c'est romantique. Ah, bah oui. Surtout Adrien est très romantique. Va te faire enculer, Colard. Ouais, va te faire enculer, Colard. Tu es l'arc-en-ciel de l'amour. Oh. Je pense qu'on ne peut pas arrêter ce début d'histoire amoureuse comme ça. Ah, bah, faut rappeler, oui. Bah, c'est ce qu'on a fait. Allez. Eh bah, oui, c'est ce qu'on a fait. Cyril Hanouna et Adrien avec la suite de cette belle histoire d'amour. Et on remercie la maman d'Adrien. Oui. Allô? Allô? Oui, Oui, ben vous êtes foutu de ma gueule, là, hein. Ça va chier des bulles, carré, hein. Oui, ça va chier des bulles, parce que je vais reprendre ce numéro et je vais aller au flic. Je m'en bats, lec. Alors, excusez-moi, si vous êtes con, si vous passez à mes fils, que lui va vous foutre la main sur la gueule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, mon plus vieux fils, qui est mon fils, qui vit chez moi, j'en ai deux qui vivent chez moi. Mmh. Et mon plus vieux, il va vous prendre sur la gueule, mmh. Et c'est très mal pour vous. Là, je vais un peu flic, moi. Vous pourrez me fracasser la gueule, j'adore ça. Oui, ben, vous allez voir, vous n'avez jamais vu mon fils, hein. Il est grand et costaud, hein, et il vous foutra bien sur la gueule. Attention. Ah, il a le cul ferme, celui-ci. Non, mais vous croyez où, là? PD. Oui, je crois. Carrément, PD. Vous allez jouer dans le prochain Astérix? Ouais, vous allez jouer dans quoi? PD, là. C'est Cyril Hanouna. Ouais, Cyril Hanouna, d'accord, vous avez raison. Mets-toi tout nu, je vais arriver. Ouais, ben, venez, je vous attends. Et vous allez voir, je vais me mettre toute nue. Ah. Je vais te masser. Ouais, vous allez voir. Venez, je vous attends. Eh ben voilà. Rêvé, ça, quand même, hein. Ah bah tiens, Cyril Hanouna, il était bien reçu, dites donc. Ah ouais, ouais. Cyril Hanouna, elle me suit à poil, bah. Oui, bah écoute, madame. Elle a craqué, hein. Ah, elle est pédée, ouais. Et elle a craqué. C'est ce que je disais, Romano, elle a craqué. Ah, mais complètement, ouais. Elle a craqué. Ah, mon fils, il va vous foutre sur la gueule. Oui, parce qu'il est bien grand. Ah ouais, il est bien grand, le plus grand de mes fils. Désolé, Cyril, j'espère que tu seras mieux reçu la prochaine fois, hein. Bah, on espère. Le prochain coup, Cyril Hanouna, à 7h16 pour le réveil de Star, et dans un instant, votre iPhone 7 à gagner sur Skyrock. Mais oui, encore un iPhone 7. C'est à gagner avec un faux mytho. Allez, juste après Major Lazer. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Rock. Rock, oui. Rock. C'est trompé dans le. C'est des jingles à trous maintenant, il faut qu'on faire la fin. D'accord, bah je l'ai fait la fin. Bravo. Skyrock et Major Lazer. Lazer. Bonjour. Do you recall, not long ago, when you walk on the sidewalk? Sur Skyrock, c'est l'heure de jouer à Info Mytho maintenant. Info Mytho avec votre iPhone 7 à gagner. Gros débat hier soir, je vous le disais, dans la radio libre sur l'iPhone 7. On a décidé de parler, de faire un débat, mais un débat vérité. Moi je me suis lâché hier, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Oui, c'est cher. Ah bah ça on est d'accord, c'est très très cher. C'est cher. C'est du vol. Ouais, parce qu'on parlait des nouvelles révolutions, ils disent tout en révolution chez Apple, de l'iPhone 7. La révolution principale c'est quand même le prix. Hein. Le truc peut te coûter jusqu'à le prix d'un SMIC en fait. Ouais. À quelques euros d'un SMIC, 1200 euros le plus cher des iPhones. Puis ils ont un problème, Apple, c'est le dollar. Un dollar n'est pas égal à un euro. Parce qu'au niveau des prix, ils ont toujours un problème au niveau du changement de monnaie. Eux, ils se font pas chier. 800 $, c'est 800 euros pour eux. Oui, alors que non, logiquement, 800 $, c'est 700 ou 700 et quelques, quoi. Et tu as raison, bien vu, Romano. Tu dénonces un petit peu les manipulations d'Apple. Et pour ça, je t'applaudis. Bravo, merci, bravo, merci, bravo, merci. Bravo. Bravo. Et qui payent leurs impôts. Apple, ils doivent 13 milliards là. 13 milliards ils doivent aux pays européens. Ouais. Alors que toi, tes impôts, Romano ? Bah, je les paye. Ah, tu les payes ? Il les paye. Bon, allez, l'iPhone 7, heureusement, sur Skyrock, il est gratuit. Vous le gagnez maintenant. Et il faut me dire, pour être qualifié à Info Mytho et pouvoir jouer avec nous, si c'est vrai ou si c'est faux, ce que je vais vous raconter maintenant. Voici l'info que j'ai choisie pour vous ce matin. Une info toute belle, avec le beau temps, les gens sont encore sur la plage. Et hier, spectacle étonnant, dans une crique du côté de Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Ouais. C'est bien, on a appelé Perpignan tout à l'heure, on n'est pas très loin. À Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, il y a les gens donc, qui se baignent, qui sont sur la plage, tranquille, avec les enfants, tout ça. Oui. Et à ce moment-là, arrive une maman. Maman sanglier, avec ses quatre petits marcassins derrière, ses quatre petits sangliers derrière, qui marchent, tout mignon. C'est mignon, si ça te charge, c'est moins mignon. Hein. Non, ils étaient très gentils, apprivoisés, tout ça. Le seul problème, c'est qu'ils ont commencé à jouer avec les serviettes des gens. Ah ouais. Parce que les petits étaient très joueurs, hein. Donc ils ont pris les serviettes dans leur gueule, ils ont joué avec. Et le plus beau, c'est quand ils ont pris les râteaux des gosses. Parce que les gosses, ils ont des râteaux pour jouer sur la plage. Ouais, des pelles, des seaux, tout ça. Ouais. Eh bien, les petits sangliers adoraient jouer avec les râteaux. Ils se sont bien joués avec les râteaux. Ils ont pris ça dans leur petite gueule. Oh. Et ils sont bien joués au milieu des gens, tout gentils. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Un faux mytho. Est-ce qu'il y a des sangliers sur la plage du côté des Pyrénées-Orientales, à Perpignan, du côté de Perpignan, à Cerbère plus précisément? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En fait, c'est pas arrivé hier. C'est arrivé samedi. Moi, je l'ai découvert ça hier. Vrai ou faux? Info. Si vous pensez que c'est vrai, mytho. Si vous pensez que c'est faux. Et je vous donne mon top officiel pour vos messages. Allez-y dès maintenant au 41 759, ou sur l'appli Skyrock. C'est bien, c'est mieux que les moustiques qui viennent t'agresser sur la plage le soir. Ouais. Comme animal, hein? Oui, c'est clair, c'est mieux. C'est vrai. Cédric, c'est qu'on l'a déjà pris pour un sanglier quand elle était sur la plage. Ah ouais. C'est vrai, hein. Les gens ont eu peur. Hein. Bon, allez, vos réponses tout de suite. Dans un instant, vous jouerez justement avec Cédric d'un côté et Romano de l'autre. Eux aussi, ils ont des infos à vous donner. Info, mytho, question de qualification. Bah, ça y est, c'est parti. 7h22. GPS, caméra de recul. Oh, elle est vraiment canon, ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270 € par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jul. Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. Dis donc, mon cœur, que t'auras fini les jeux sur Internet, tu t'occuperas des pneus de la voiture. Mais chérie, je prenais justement rendez-vous sur le site de Remaster. Ils font des super offres. Toi, t'es malin comme un linge. Allez, clique, mon cœur. Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant la rentrée des prix bas, Euromaster, jusqu'à 100 € de remise immédiate pour l'achat de pneus Dunlop. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 30 octobre, devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et les gagnants sont la desserte Rascog, 39,90 €. Avec ses 4 roues, tout roule pour elle. La poêle Umbar League, 12,99 €. Elle est tellement chaleureuse. Et le bol Off-Tast, 50 centimes. À ce prix-là, je l'invite à ma table. Chez Ikea, les prix sont bas toute l'année. Découvrez-les dans le nouveau catalogue et dès maintenant en magasin et sur Ikea.fr. Ikea. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Nouvelle coupe. Rendez-vous coiffeur. Débroussailleuse thermique. Outil multifonction. 4 en 1. prix coupé, 129 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Débroussailleuse thermique Woodstar, 51,7 cm cube, diamètre de coupe 255 mm, débroussaille, coupe, taille et élag pour seulement 129 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 9 septembre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end, et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains? Oui. Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Touche à vos pinceaux. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Trois enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage, Chabrier, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté, famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un starter mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Le Happy 55e anniversaire Auchan continue. Oh, pourvu qu'il y ait une console en promo. C'est bien pour l'offrir à notre ado. Oui, oui, bien sûr. Jusqu'à mardi chez Auchan, la console Xbox One 1 Tera est à 299€. En plus, avec votre carte Auchan, 100€ sont crédités sur votre compte Wow. Ça fait 199€ cagnotte déduite. On peut lui en prendre une, hein, chérie. Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Dont 21 centimes d'éco-participation, quantité limitée à 4000 consoles, voire conditions sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Allez, 7h27, on joue à Info Mytho tout de suite. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et elle se réveille avec nous tous les matins, elle est là, elle a 30 ans, elle habite à Laval et c'est la belle Alexandra qu'on accueille. Bonjour Alexandra. Salut Default, salut toute l'équipe. Salut, salut. Alors on m'a dit au standard que t'étais stressée. Un petit peu, ouais, parce que ça fait longtemps que je vous écoute et longtemps que j'essaye de gagner, donc là, j'ai pas le droit à l'erreur. Et bah ce matin, tu passes à la radio, tu passes sur Sky, Alexandra, et tu vas tenter l'iPhone 7 en plus, hein. Ouais, c'est génial. Attention, alors tu as la réponse à la question que j'ai posée. Je vous ai raconté une petite histoire. La question c'était, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, info, mytho. Les petits sangliers, la maman sanglier. Et je dis qu'elle avait 4 enfants, en fait je me suis trompé, elle en a 5. Ah, ah. 5 petits, petits marcassins qui... sur la plage, joue avec les serviettes. Donc en fait, il y a des gens qui se baignaient. Les sangliers sont arrivés. Les sangliers, les porcs sauvages. Exactement, comme Cédric. Ouais, pareil. Voilà, donc ils sont sur la plage, au milieu des gens, ils ont pas peur et ils jouent, ils ont joué avec des râteaux, tout ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, j'ai dit info. Eh ben, tu as raison, ouais. C'est une info. Une info et une qualification. D'ailleurs, tiens, témoignage, c'est nos confrères de France Bleu Perpignan qui ont fait ça. C'était impressionnant, c'était vraiment à 2-3 mètres là, de nous, entouré de tout le monde. T'imagines, t'es sur la plage et à 2-3 mètres de toi, il y a une famille de marcassins qui arrive, une famille de sangliers. Ce qui était un petit peu amusant, c'était que les marcassins, ils étaient en train de piquer les serviettes des gens, les râteaux que les gosses avaient laissés pour faire leur château de sable sur le sable, ils s'amusaient, ils jouaient, et puis ben oui. Ils faisaient 2-3 mètres, ils refaisaient la même chose. Enfin, ah, c'est des châteaux, c'était le spectacle. Imaginez le bordel qu'ils ont foutu sur la plage. Ah, ouais. Donc c'était vrai, imaginez vous baignez, vous avez des sangliers qui arrivent, c'est mignon. Oui. Bon, c'est qualifié, c'est bon. Alexandra, maintenant on va passer au plus compliqué parce qu'il y a un mytho parmi les deux. Cédric et Romano, ils vont tous les deux te raconter un truc, on joue ensemble. Info, faux ou mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Ouais, pour l'iPhone 7, on commence par Romano. Alors, moi, ça se passe dans les toilettes. Très bien. Dans les toilettes d'un commissariat. Alors là, ça s'est passé samedi soir. du côté de Clermont-Ferrand. Les policiers récupèrent un mec complètement ivre dans la rue. Ils le ramènent au commissariat. Ils le mettent en cellule de dégrisement. À un moment donné, le mec dit, ouais, faut que j'aille aux toilettes. Et là, en fait, le mec aux toilettes n'a rien trouvé de mieux que de démonter le lavabo, d'ouvrir le robinet à fond. Et donc, en fait, il a créé une inondation dans le commissariat. Les policiers étaient très énervés. Ils ont dit, bah, si c'est comme ça, on te présente devant le juge avec tes habits tout mouillés. Bah oui, puis dans un commissariat, l'eau, ça se met dans le pastis. Bah oui, c'est le minimum. Ça se gaspille pas comme ça. Bah oui. Donc, inondation au commissariat. Ouais, inondation au commissariat à cause du démontage des robinets dans les WC. Info ou mytho? Ça, c'est l'info de Romano. Écoute bien Cédric maintenant. Moi, c'est une info qui se passe du côté d'Orléans et c'est une femme qui reçoit des PV pour excès de vitesse et les excès de vitesse sont commis par la police. Info ou mytho? Ah ah. Alors, Alexandra, tu n'as pas le droit à l'erreur. On ne te met pas du tout la pression. Non, pas du tout. Moi, je dirais ce que j'ai entendu, l'histoire de Romano, là, mais c'était pas exactement ça. Donc, je dirais Romano, mytho. Ouais. Et puis, info. Cédric, oui. Cédric, ouais. C'est ça, ok. Je note, je valide. Et c'est gagné. Et bravo, c'est gagné. Bravo. C'est bien, Alexandra. C'est quoi l'info exacte, Romano? L'info exacte, c'est que le mec était bel et bien bourré. Ils l'ont ramené, cellule de dégrisement, en vie pressante. Le mec va aux toilettes et là, il pète un plomb. Il met toutes ses, tous ses habits, en fait, dans les chiottes pour les boucher. Il tire la chasse. Forcément, ça fait une inondation dans tout le commissariat. Et les policiers, ils l'ont mal pris. Ils l'ont présenté au juge. Le mec est en caleçon devant le juge. Ah, il avait quand même gardé le caleçon. Il était en caleçon devant le juge parce que les mecs ont dit, bon, ça nous a énervé. Et donc là, il va aller en prison, sans doute. Voilà. Et pas de chance à Orléans. En effet, il y a une voiture qui se fait verbaliser, mais c'est les keufs qui la conduisent. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, elle s'est fait perquisitionner la voiture. Les keufs roulent avec, et en fait, et depuis, elle reçoit les PV de la police. Ah, les keufs ne respecteraient pas les limitations de vitesse, eh alors. Bah, bravo. Ah, non, ouais. Eh bah, bravo, ça c'est bien dit, Cariole. Eh bah, bravo, la police. Eh bah, bravo, c'est et joli. Et surtout, bravo, Alexandra, l'iPhone ouais. 7, il est pour toi, ça c'est génial. Merci, c'est pas pour moi, c'est pour mon mari, je voulais lui faire une surprise. Mais je l'ai entendu derrière, il soufflait. Ouais, ouais. C'est gentil, ça. Ouais, c'est bien. Ouais, bien joué. Eh bah, super. Comment il s'appelle ton mari? Julien, bah on fait une bise à Julien, mais on fait surtout plein de gros bisous à toi, Alexandra. Ah, merci beaucoup, vous êtes géniaux, continuez comme ça. Eh bah, ben bravo à toi. Bisous, Alex. Merci. Ciao. Salut Alex. Salut. Le morning sur Skyrock avec DJ Snake dans un instant. Ouais, on n'a pas le temps, il est 7h30 là, c'est les infos. Hein. 7h31 même. Le point sur l'actu, on avait promis DJ Snake et Justin Bieber. Eh bien, ils arrivent tous les deux, DJ Snake, Justin Bieber, juste après le point sur l'actu. Rémi, là, tout est vrai dans l'actu. Hein. Bah oui, toujours. Même la météo? Bah normalement. Allez, la météo, c'est parti. Le temps du jour, le temps de ce jeudi. Eh ben, il fait encore beau aujourd'hui, l'impression de beau temps qui domine. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une perturbation qui arrive à l'ouest et du coup, ce sera un peu plus couvert. On a des averses prévu ce matin dans le sud-ouest et puis des nuages dans la journée attendue sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Les températures ce matin de 16 à 21 degrés, 21 à 24 le long des côtes atlantiques et de la Manche, entre 28 et 33 degrés dans la moitié est cet après-midi, 26 en Ile-de-France et de 19 à 25 dans le sud-ouest. Et puis la pollution pas terrible, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Orléans, Clermont-Ferrand, Perpignan, Marseille, Lyon, Mulhouse et Metz. On parle sport dans un instant avec des nouvelles de Ben Arfa, mais tout de suite tout le reste de l'actu, on va tout savoir, c'est parti. Deux couples en garde à vue après la découverte de 6 bonbonnes de gaz et de 3 bidons de gasoil dans une voiture. Le véhicule, sans plaque d'immatriculation, a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche, tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'un des couples originaires du Loiret est connu pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Une grève des enseignants aujourd'hui, c'était prévu depuis la rentrée. Les syndicats protestent contre la réforme du collège. Il s'agit de la 5e mobilisation depuis le printemps 2015. Difficile de dire si elle sera suivie ou non. Les profs semblent pour la plupart réticents à l'idée de manifester quand même en ce début d'année. Le cortège parisien doit partir de la Sorbonne en début d'après-midi. Manifestation prévue également du côté de Lille. Un coup de massue pour toute une ville et même pour toute une région. Le site historique d'Alstom à Belfort va arrêter sa production. Plus aucun train ne sortira de l'usine. La construction va être délocalisée en Alsace. 400 des 500 emplois du site sont directement menacés. La direction s'est justifiée par une baisse générale des commandes et promet des reclassements aux salariés. Une nouvelle agression qui choque la communauté chinoise de Paris. Un commerçant a été pris à partie avec sa famille à Bobigny par deux hommes armés. Les individus ont pris la fuite avec 5000 euros. Trois personnes sont en garde à vue. Et le sport, donc Ben Arfa, on en reparle, et puis du tennis aussi. Ouais, ça sonne comme un avertissement. Le coach parisien Unai Emery a clairement dit que Ben Arfa doit s'améliorer et travailler. Un coup dur pour l'ancien niçois qui a fait une superbe saison l'an dernier mais qui semble caler un petit peu à Paris. Il n'a joué que 174 minutes en 4 matchs et l'entraîneur semble préférer l'option Javier Pastore en meneur de jeu. Alors la question est posée, Atem va-t-il réussir ou non à s'imposer? Unai Emery est persuadé que oui, mais tout est entre les mains ou plutôt les pieds du natif sportif de Clamart. Il était son concurrent à Nice, mais là, c'est une toute autre musique qui se joue au Paris Saint-Germain. On va chez le même boucher avec Ben Arfa. Mon boucher, il m'a dit l'autre jour, il y a Atem, il est passé tout à l'heure. Ah bon ? Je lui dis, tu passeras le bonjour, il peut venir se réveiller avec nous un matin, on sait jamais. Bah ouais. Il habite à côté. Du tennis avec l'US Open de New York. Gaël Monfils affronte demain en demi-finale le numéro 1 mondial Novak Djokovic. D'ici là, c'est la paire française qui se hisse également dans le dernier carré en double. Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut ont battu les tenants du titre et peuvent désormais rêver de soulever la coupe à leur tour. Eh bien, rêvons et bonne chance les Bleus. Merci Rémi. La suite de l'actu tout à l'heure à 8h. Il est 7h34 sur Skyrock. En direct de l'appart. The morning show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Eh oui, le morning en direct. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez nous laisser vos messages. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Hashtag morning de Default par exemple. Ouais. Et puis tous les réseaux avec Skyrock FM pour nous rejoindre. Bon. Oui. On s'appelle Skyrock FM partout. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Oui, Snapchat. Ah, l'autre jour, on a rigolé parce qu'on regardait un sketch de Danny Boone et t'avais l'impression que c'était un sketch d'il y a 20 ans. Parce qu'il était là, oui, face de book. T'as pas vu ça? Ah non, non, non. C'est le nouveau spectacle de Danny Boone, c'est ça? C'est ça, ouais, le nouveau qui va arriver dans pas longtemps. Et il y a des vannes style. Ouais. Moi j'ai Twitter, j'ai aussi un compte 12h, 9h, 7h. Ouais, ah ouais, c'est pas mal. Ouais, Snapchat, ouais, Snap ouais, chien, ouais. Snap poulet. Snap poulet aussi, oui. C'est très gênant. Amstram gram, piqué piqué, collé gram. Ouais, ouais, ouais. On attend avec impatience ce spectacle. Donc on est partout. Hein. Et puis si vous voulez envoyer des messages qui arrivent directement dans le studio, c'est le 41759. Et ben on salue ceux qui sont là. Bonjour à Stel Cricri du 42, bonjour à Diffoul de Beaugosse, très beau pseudo, il est magnifique ce pseudo. Hein. Amzou, on te salue. Lacaria également qui nous dit bonjour. Ah tiens, en parlant d'Acaria, on va parler bestioles dans les conseils pas chers, Romano. Oui, attention, certaines bestioles sont de retour dans les maisons. Ouais, si vous êtes phobique de certains animaux, notamment de certains insectes, restez bien là, les conseils pas chers arrivent dans 5 minutes. Mais vous inquiétez pas, je vais vous en débarrasser. Et oui, car Romano est toujours là pour rendre service, surtout si on lui donne de la thune. Ah bah oui, bah sinon je rends pas service. Et d'ailleurs, même seulement si on lui donne de la thune. Uniquement. Bon, on parle de thune. Ben c'est l'heure, 1 500 € à gagner, c'est tout de suite sur Skyrock. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Skyrock. Tu gagnes. Et c'est tombé il y a une heure, on était à Argenteuil dans le 95. Si vous êtes dans le 95, t'as bien représenté ce matin, c'est Tariq qui a gagné 1 500 € avec son pote Amar. Amar, ouais. On les salue, livreurs tous les deux. Et 1 500 € pour eux, bravo les gars. Et je viens d'ouvrir l'enveloppe, où va-t-on? On va dans le 51, la région du Champagne, Carriole. Ouais, j'aime pas le champagne. Oh, bah, t'es la casse-couille. J'aime pas ça. T'as pas de chance, alors. Non, c'est clair. Demain, on ira à Cognac ou dans le Calvados. Ça, c'est mieux, ça. Je préfère le vin rouge. Oui, de la bonne piquette. Ou dans les Côtes du Rhône, on verra. Là, on est à Reims, dans le 51. Si vous nous écoutez à Reims, attention, attention. Voici le nom de celui ou de celle qu'on appelle, celui qu'on appelle ce matin, enfin, une famille qu'on appelle. C'est la famille Claudel. Fabien Claudel. 1 500 € pour lui. Et pour la famille, s'ils répondent, Skyrock, c'est comme ça que ça marche. C'est la règle du jeu. Tiens, puis un numéro que je vous donne, le 7-20-20, vous envoyez 1 500 pour gagner 1 500 €. Tiens, je vais pas vous avez donné les numéros, les réseaux sociaux du morning. Et bien, vous avez aussi le 7-20-20 avec le 1 500 qui vous permet de gagner de l'argent. Fabien Claudel, combien de sonneries? 3 4 4 Allez, je dis que c'est la quatrième parce qu'on est généreux, on en laisse une dernière. Allez, les Claudel. Eh ben non. Désolé pour les Claudel. Eh ben oui. Non, bon, voilà, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Non, allez, c'est 7. Hein. Désolé pour la famille Claudel, 1 500 €. Eh ben, ce ne sera pas pour eux ce matin, ce sera peut-être pour vous. Préparez-vous, 1 500 €. Faites comme Tariq à une heure. Donc, t'as tiré au sort, Tariq. C'est pour gagner 1 500 €. On a 1 500 € à t'offrir. Il faut juste répondre à une question. C'est sérieux, ça? Tariq, il faut me dire quelle est ta radio préférée? C'est Skyrock. C'est Skyrock. Bah, tu peux te réveiller en pleine forme. Hein. T'as déjà gagné 1 500 €. 1 500 € pour toi, Tariq. Bravo, Tariq. Bravo. Ça fait plaisir, ça. C'est fait pour. Eh ben oui, ça fait plaisir. Skyrock et 1 500 € à choper. DJ Snake et Justin Bieber, juste avant, conseils pas chers. Ouais. Les conseils pas chers qui arrivent. Insectes. Ouais. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Give up, nah, nah. sur Skyrock. Justin Bieber sur le son de DJ Snake. Gros album de DJ Snake d'ailleurs. On écoutait Jeremiah tout à l'heure, l'américain. Il est sur l'album de DJ Snake, Cédric. Ouais, c'est ça. Je te le dis parce qu'il arrête pas de me parler de l'album de DJ Snake, Cédric. Et donc, tout à l'heure, t'as oublié de le dire. Ouais. On a écouté un gros souvenir de Jeremiah tout à l'heure. C'est à 6h10, c'est pour les leftos. On va vous demander quels sont les animaux qui vous font flipper ce matin. Les petites bêtes qui vous font flipper. Dites-nous sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Romano va nous parler des bestioles qui font flipper, qui sont de retour en cette fin d'été, en ce début d'automne qui arrive. C'est pile la période. Hein. Ah, excusez-moi, juste avant tes conseils pas chers, Romano, j'ai un message personnel message à passer. De Nathalie. Oui, Nathalie, qui veut qu'on passe un message à son fils. Vous pouvez dire à mon fils, Lucas, 10 ans, d'aller se laver. Nathalie, d'Asbrook, bisous les chéris, bisous ma chérie. Ah bah Lucas, faut aller te laver, sinon tu seras tout cracra comme Cédric. Non, comme Romano. Oh, que tu seras tout cracra, que tu te sentiras tout mauvais, dis donc. Oh, sentir à la crotte. Ah, avec ça, je suis sûr qu'il va aller se laver, Nathalie. Ah ouais, vas-y direct. Si vous avez un message à passer, n'hésitez pas. Et là, c'est les conseils pas chers. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, vous voulez que j'appelle les flics ? Romano, le roi des escrocs. Alors, de quel animal on va parler ce matin, Romano ? Alors, attention, elles sont de retour. Ah bah tiens, regarde les messages. J'ai peur des araignées. Ah bah voilà, on plein dans le mille. Tiens, regarde, Domi, les araignées aussi. Les araignées. L'Agdar, les araignées. Eh bien, c'est les araignées. Eh bien, c'est les araignées. Vous voyez, ça tombe bien. Les araignées sont là. Elles sont de retour. Oui, attention. La fin de l'été amène les araignées dans les maisons. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que les araignées vont faire l'amour. Ah ouais. Oh, comme c'est mignon. Là, on va rentrer dans la saison de l'amour des araignées. Ouais. Et les araignées se mettent dans les maisons pour aller copuler. En gros, elles viennent chez vous, elles niquent. Bon, alors, ce matin... Je vais tuer de l'araignée. Oh, pauvre bête. Je suis d'ailleurs avec Spider-Man. Ah, c'est moi ? Oui. Alors, attention, là, je m'attends au pire. Moi aussi, pas prêt. Bonjour, je suis Spider-Man. Spider-Man, c'est moi. Pourquoi tu veux que je sois Spider-Man ? Bah, parce que si les gens y croient pas, je dirais, regardez, j'ai une araignée avec moi, quoi. Ah, je suis là. Ah ouais, ouais. C'est du gros scénario, hein. Très bien. Bon, c'est bon, tu es prêt, Spider-Man ? Bah oui, moi je suis prêt. Hein, tu me demandes. Cédric, lui, n'est pas prêt, lui. Non, tu t'es trompé de numéro, dis donc, Cédric. Non, non, mais c'est répondeur. Je peux bien faire ton travail ? Bah, regarde, je le fais bien. Allez, ah, bah, la preuve. Parti. Chez qui on va ? Là, on va chez Alain. Attention. Voici donc le. L'homme qui lutte contre les araignées. On appelle qui si on est envahi par des araignées ? Déjà, t'appelles au secours. Après, t'appelles qui ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, l'hommearaignée.com à l'appareil. Vous m'entendez, monsieur ? Allô ? Allô, monsieur ? Je crois que c'est une dame. Ah, c'est une... Ah, tu l'as vexé. Non, mais c'était pas une bonne femme. Mais si, c'est une dame avec une voix d'homme, Romano. Ouais, bah, écoute, ça existe. Qu'est-ce que tu veux ? Ça existe, mais bon, il faudrait prévenir avant comment c'est qu'il s'appelle, lui. Là, c'est chez Philippe. C'est chez Philippe. Chez Philippe, c'est parti. Je vais m'appeler Spider-Man Service. Ouais, ça c'est bien, ah ça. Ouais. C'est Spider-Man Service. C'est... Allô ? Non, non. Et moi, donc, je suis Spider-Man. Exactement, en personne. Et quoi, tu me poursuis ? Non, mais tu te laisses porter par... je t'introduis à un moment. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 02-48-58. Tu m'appelles quelqu'un ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, appelle-lui quelqu'un, il en peut plus. Bah, moi, j'en peux allô, plus. Allô, Hervé. Hervé. Allô, Philippe. Cédric. Philippe, allô. Allô, Philippe. C'est une blague, ce mec. Allô, Philippe. Il est pas là, allô. Du coup. Ouais, Philippe, comment vas-tu ? Voilà. Alors, Cédric, tu as fait foirer les conseils pas chers. Romano, mets-lui une amende. 150 balles. Voilà, 150 balles. Non, mais si, 150 balles, je suis désolé, regarde. Non, mais en plus, on n'a même pas pu faire venir l'homme araignée. Mais oui, moi j'étais prêt, j'étais dans mon costume. Je suis venu ce matin en costume d'araignée. Oh, t'en as pas un dernier, Cédric, là, en costume d'araignée pour rien. C'est dingue, ça, quand même. Hein. T'es beau, d'ailleurs. On salue les phobiques des fourmis, des araignées, des souris qui nous laissent des messages sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Merci à vous. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, c'est la femme d'Hervé ? Oui, c'est pourquoi ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Spider-Man Service à l'appareil. Je vous appelais, les araignées arrivent, madame. Voilà. Voilà. Voilà, bravo. Donc voilà, Cédric, non mais je suis désolé, là c'est la faute de Cédric, Romano t'y est pour rien. Bravo. La tenue, être bien singulier. Tu vas payer, hein, je suis désolé. Non. Si, si, 150 si, si, euros. Tu vas payer. C'est l'amende. On a décidé ça en début d'année. Cédric, quand tu fais foirer les conseils pas chers, c'est pas bien. Tu vas passer à la caisse, mec. Ouais, non. À la caisse. Bon, attention, donc les araignées arrivent. Si vous en voyez beaucoup ces temps-ci, vous saurez pourquoi. Ah bah oui. Elles viennent faire l'amour chez vous. C'est la période des amours pour les araignées, c'est mignon. Ah bah oui, après vous en aurez plein la baraque. Voilà, laissez-les faire l'amour, c'est si beau l'amour. L'horoscope de l'amour arrive dans un instant sur Skyrock, votre horoscope du morning. On va tout savoir sur tous les signes, dans une minute même. Hein. Et puis le loser, le winner du jour à découvrir, eh bah, c'est dans un instant aussi. Le temps d'écouter Vita et Jules qu'on vous a préparé. Une minute et l'horoscope arrive. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma ? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres Artiste Rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora, au cœur de la beauté. C'est la rentrée No Stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Gâteau, gâteau chocolat, citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée ? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. Allez, l'horoscope de l'amour, c'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on va commencer par les meilleurs du jour, les Verseaux et les Lions. Vous raflez tout, tout, tout aujourd'hui. Vous serez un vrai soleil pour tous les autres. Verseaux, Lions, 5 sur 5. Bien joué, vous êtes les meilleurs. Bah oui, c'est bien, hein. On peut pas mieux. 4 sur 5, c'est bien aussi pour les Sagittaires et les Gémeaux. Vous aurez plein d'idées pour séduire en ce jeudi. Un petit conseil, lâchez-vous. 3, c'est la note, la puissance amoureuse des Balances et des Cancers. En couple, une journée pleine de tendresse à savourer à deux. Et si vous êtes célibataire, eh ben écoutez, vous aurez un bon look, vous aurez une bonne attitude, une attitude qui vous permettra de vous démarquer. 2 sur 5, les Poissons et les Taureaux, n'ayez pas peur de vous dévoiler, de vous montrer tel que vous êtes. 1 sur 5, c'est les Capricornes et les Scorpions. Aïe. Bon, si elle est un peu nuageuse sur le plan sentimental aujourd'hui, mais ce sera beaucoup mieux du côté de l'amitié, vous pourrez compter sur vos amis qui vous aiment. Et 0 sur 5, les Vierges et les Béliers, un petit conseil, ne ressassez pas le passé, ne soyez pas nostalgique, soyez skyrockien, c'est mieux. Mais oui. Allez de l'avant et tout se passera bien mieux comme ça, les Vierges et les Béliers. Eh ben écoutez, vous savez comment faire, allez la journée un petit peu mieux. Oui. Voilà, vous avez la solution. Oui, 7h49. Et du bon son pour se réveiller. Vita et Jules, là, tout de suite. Ça les dérange. Ça les dérange. Tu fais bien, Vita, Romano. Tu me fais une bise, Vita. Vita et Jules sur Sky. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser. Y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Ceux qui pensent sur notre dos, on en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Nous on marche à la parole, j'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange, ceux qui pensent sur mon dos. Nous on marche à la parole, j'ai que ça les dérange. a rien à foutre. J'crois qu'ils m'ont pris pour un autre. J'peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va d'où on vient? Où on va d'où on vient? Rien à faire, j'trace ma route. J'marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, j'vais pas m'en aller. J'vais pas me laisser faire. J'traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos. Nous on marche à la parole. Foutre. Jules et Vita sur Skyrock à 7h52, c'est bien, il y a toute l'équipe qui chante. Ça les dérange. Et voici maintenant notre winner, notre loser du jour. Allez, aujourd'hui, on venait dans la win. Ah, c'est bien. Ça se sent depuis 6h du matin. On a offert 2 iPhone 7 déjà, on a offert 1 500 €. Et c'est pas fini. Et bien voici tout de suite notre top win, top lose du jour. Le winner du jour à découvrir. Ah, on parle d'argent ce matin. Ah, le winner du jour. Le winner du jour. Et Romano, il peut pas se retenir. Ah, qu'il a dit. On parle d'argent et de beaucoup, beaucoup d'argent. Voici le rappeur qui a touché le plus de thunes ces 12 derniers mois. Est-ce que vous connaissez le nom du rappeur qui a touché le plus d'argent ces 12 derniers mois? Non, non. Moi, je dirais Dr. Dre, non? Dr. Dre pour Romano. Pourquoi Dr. Dre? Je l'ai dans mon classement, hein, je vais vous le donner, le classement, là. Bah, parce que, déjà, il a revendu Beats by Dre, là, à Apple. Ouais. Et il a pas pris 1 milliard ou 2 milliards? Non, malheureusement pour lui, il n'a gagné que 41 millions de dollars ces 12 derniers mois. Romano, seulement 41 millions de dollars. Oui, Rémi. Ouais, en fait, il a vendu, c'est vrai, ses parts dans Beats by Dre, mais c'était l'année d'avant pour 600 millions. Là, c'est les 12 derniers mois, Romano. Dr. Dre, c'est lui que vous entendez derrière moi. Dagadagada. On l'a mis l'autre matin, d'ailleurs. Ouais. Avec The Next Episode. Dr. Dre est troisième. Alors moi? Oui. J'irai Eminem. Eminem. Oh là là, mais le pauvre Eminem n'est même pas dans les 13 premiers. C'est vrai? Mais ouais, il est pas dans les 13 premiers. Non. Bah, je dirais Jay-Z ou P. Diddy. Bah, 50 Cent. Jay-Z ou P. Diddy. 50 Cent, Cédric. Pouh, là, mais non, mais non. Il a plus d'argent, lui. Il a plus de sous, le pauvre. Non. Donc, Dr. Dre est troisième. Qui a dit Jay-Z, Romano? Ouais. Jay-Z est deuxième avec seulement 53,5 millions de dollars. C'est la crise. Hein. Avec sa marque de champagne, etc., etc. Et donc, ça, c'est Jay-Z. That's your crack. Oh. That's your crack. Et Jay-Z est avec nous, that's ça. That's your crack. Ouais. Après, c'est Jay-Z du pauvre, là. Lidl. C'est Jay-Z Lidl. Et le premier, bah, tu l'as dit, Romano, c'est P. Diddy. Ah, P. Diddy. Diddy. 62 millions de dollars. Il est propriétaire d'une télé musicale. Il a une marque d'eau minérale. Une marque de vodka aussi. Ouais, une marque de fringues. En fait, il se fait plein de fric, sauf avec le rap actuellement. C'est ça, ouais. Donc, le rappeur. Si, il fait la tournée Bad Boy, ça ramasse, là. Oui, ça ramasse. 62 millions de dollars. Ouais, c'est pas mal. Donc, le rappeur le plus riche du monde, c'est P. Diddy. Écoutez-le. C'est une femme. P. Diddy est une femme. Est une femme, c'est son secret. Il est rentré dans la maison des secrets de NTA. Il est dans Secret Story. Bonjour, je suis P. Diddy, je suis une femme. Donc c'est un morceau de P. Diddy, hein. Rappelé à I'm Coming Home. C'est bien ça. Donc c'est lui le plus riche, le winner du jour, avec 62 milliards de dollars. Drake est classé 4e, Wiz Khalifa est 5e, Nicki Minaj. Ah ouais, quand même. Et 6e, 20 millions de dollars. Pitbull. Dalle. Vous savez, ça rapporte, hein, dalle. Carico. On les a tous reçus en plus. Pharrell Williams, c'est 8e, Kendrick Lamar 9e, et Birdman, numéro 10. Ouais. Voilà pour le classement. Des plus riches aux États-Unis, des rappeurs, même les plus riches dans le monde. Eh ben, ça fait rêver. Le winner du jour est P. Diddy. Bravo P. Diddy. Bravo P. Diddy. Il est 7h55 sur Skyrock. Bonne journée à vous. Et dans un instant, vos 1 500 €, les infos, le réveil de star et tout le reste. Restez bien sur Sky. GPS, démarrage sans clé, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Bah Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Sports Van All-Star suréquipée est à 300 € par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2 257 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Un peu de silence s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je ne vous cache pas que c'était très serré. Et dans la catégorie design, le prix du petit prix revient à la cuisine méthode Ringoult, 409 €. Elle est bien équipée. Incroyable, elle sait tout faire. Chez IKEA, les prix sont bas toute l'année. Découvrez-les dans le nouveau catalogue et dès maintenant en magasin et sur IKEA.fr. IKEA.

6h à 9h. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et en direct à 8h02 sur Skyrock, c'est l'heure des infos. Juste après, c'est l'heure de vos 1 500 €. Bravo Tariq qui a gagné 1 500 €. C'est peut-être votre tour dans un instant. Oui. On ouvre l'enveloppe, on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. C'est 1 500 € dans la poche. Bonne chance à vous. Hein. On tire dans les annuaires. On tire aussi parmi tous ceux qui sont inscrits, ouais. Toutes celles qui sont inscrites au 7-20-20. Vous envoyez 1 500, 7-20-20 pour gagner 1 500 €. Bon, nous aussi on trouve la matinée cool. Merci Cricri du message qui dit le matin en votre compagnie, c'est trop cool. Toute la famille se réveille avec nous, ça c'est le message de Mike sur SMS. Salut la famille, salut Mike. Et on va se réveiller ce matin avec Cyril Hanouna. Salut Cyril. Salut Adrien. Mais non, je suis pas Adrien, je suis Diffoul, tu m'as pas reconnu. Comment ça va? Ah écoute, ça va bien Cyril. Toi aussi tu vas bien? Bien. Merci. Ah bah écoute, de rien. Cyril Hanouna réveille les familles de France. On se prépare, c'est dans un instant, il est prêt lui aussi hein. Et on parlait d'un des rappeurs les plus riches, le 4e rappeur qui a gagné le plus d'argent sous les 12 derniers mois, il arrive juste après les infos. C'est Drake qu'on va écouter. 38,5 millions de dollars. Ah ça y est, t'as les prix toi, t'as tout. Ouais ouais ouais. Bon, et on écoutera aussi Jennifer Lopez, souvenir avec Jennifer Lopez, du Soprano et tout de suite du Rémi, les infos et du beau temps aujourd'hui. Ouais. Ouais ouais, c'est vrai, du beau temps. Bon, c'est un petit peu moins bien quand même hein. Le soleil est toujours bien présent en globalité, mais on a une petite perturbation sans trop de conséquences qui arrive par l'ouest. Du coup, quelques averses prévues ce matin dans le sud-ouest et puis des nuages sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Les températures toujours douces hein, ce matin, de 16 à 21, 21 à 24 même le long des côtes atlantiques et de la Manche, entre 28 et 33 dans la moitié est cet après-midi, 26 en Île-de-France et de 19 à 25 dans le sud-ouest. La pollution pas terrible, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Orléans, Clermont-Ferrand, Perpignan, Marseille, Lyon, Mulhouse et Metz. Et les infos maintenant, et peut-être les dernières rumeurs sur Verratti, tu nous les fais, les dernières rumeurs. Ouais, allez, dans un ça. Instant, le reste de l'actu d'abord. Mais d'abord, c'est plus des rumeurs, hein. On sait ce qui se passe par rapport aux iPhone 7 et 7 Plus. C'est donc le 16 septembre, vendredi prochain, donc, que sortiront les nouveaux bijoux de la marque. Quelques nouveautés comme on s'y attendait. La prise casque disparaît afin de rendre l'appareil plus fin et plus étanche. Il faudra pour écouter du son acheter un casque qui se connecte sur la prise du chargeur ou alors en Bluetooth. 149 € ou 170 €, je sais plus combien. Oui, mais quand même, la marque à la pomme, histoire de pas faire râler les gens, a promis un adaptateur qu'on allait brancher en fait sur le truc de la batterie. Ça s'appelle le port Lightning, je crois. Ouais, l'adaptateur qui va coûter 3 000 €. Hein. Non, il est fourni, il est offert avec. Ouais, ah, elle est dedans. On branche l'adaptateur et de cette manière, on peut ensuite brancher un casque dessus. Alors, on pourra plonger l'iPhone dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Plutôt sympa pour les selfies en vacances. La qualité des photos est améliorée, tout comme l'écran qui aura une meilleure définition. Quelques nouveautés aussi via le nouveau iOS, avec un changement pour l'appli musique et une amélioration des SMS. Les iPhones seront vendus entre 769 € pour le 32 Go et 1129 € pour le haut de gamme 7 Plus. À noter également la sortie de l'Apple Watch 2 qui permettra entre autres de jouer à Pokémon Go. Et on vous offrira tout à l'heure votre iPhone 7. C'est à 8h20, on jouera l'émission mystère. Je vous l'annonce déjà. Salah Abdeslam va-t-il enfin s'expliquer? Le seul survivant des attaques du 13 novembre est au palais de justice de Paris. Il est entendu ce matin par le juge antiterroriste. Il avait refusé de répondre aux questions en juillet dernier et garde le silence depuis son transfert de la Belgique en avril. La baisse du gaz au 1er octobre, les tarifs vont baisser de 0,8% dans quelques jours. Cela concerne plus de 6 millions de consommateurs en France. François Hollande va-t-il faire un pas vers la présidentielle aujourd'hui? C'est ce que souhaitent ses soutiens qui confessent vouloir enfin sortir du brouillard. Le président est attendu à la salle Wagram à Paris pour un colloque sur la démocratie face au terrorisme. Les derniers sondages le créditent à 12% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Enfin, vous devez savoir que ça passe pour NKM. Nathalie Kosciusko-Morizo a tous les parrainages nécessaires pour se présenter à la primaire de la droite et du centre. Annonce faite ce matin, donc on aura bien au moins une femme dans cette primaire à droite. On parle tennis et puis les dernières rumeurs sur Verratti du PSG. Ouais, Verratti au PSG, faut voir un petit peu comment ça va se passer là dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que le milieu de terrain a un petit peu du mal à se remettre là d'une opération pour une pubalgie. Il tarde à retrouver son meilleur niveau, ce qui pourrait faire perdre patience à Unai Emery hein, qui semble ne pas vraiment plaisanter comme coach. Alors bien évidemment, tout cela n'échappe pas à Carlo Ancelotti et il se murmure que le Bayern pourrait faire une offre mirobolante au PSG. La presse italienne évoque ce matin un chèque de 100 millions d'euros pour recruter le maestro parisien. Il avait déjà évoqué le fait qu'il aimerait un jour retrouver Carlo Ancelotti. Mais il s'est pas posé des questions, le nouvel entraîneur du PSG, Unai Emery, parce qu'il y a une demi-heure, tu nous parlais d'Atem Ben Arfa, ouais, qui est pas en forme. Ouais. Maintenant, c'est Verratti, qui est pas en forme. Est-ce que c'est pas l'entraîneur qui a changé, qui serait pas en forme, par exemple? Ah, bah, peut-être aussi, ça y joue. Hein. Peut-être. On verra le PSG, ça. PSG, c'est une réflexion que je livre à vos esprits footballistiques. Le tennis. Ouais, le tennis avec Gaël Monfils hein, qui attend de rencontrer Novak Djokovic à l'US Open en demi-finale. On espère en tout cas qu'il va gagner. Ça va pas être facile contre le numéro 1 mondial. D'ici là, on a une paire française tout de même qui se hisse dans le dernier carré en double. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont battu les tenants du titre et peuvent désormais rêver de soulever la coupe dans quelques jours. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h07. Allez vite, 1500 euros à gagner tout de suite. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. C'est Romano. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. C'est très gentil, précoce. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Et on est là sur Skyrock avec des chèques à gagner, avec l'iPhone 7 à choper aussi. Et puis on est là pour faire les cons aussi. 1500 euros à vous offrir tout de suite. C'est fait rêver ça quand même. Hein. Ah oui, Cyril, tu as bien raison, Cyril. Ça fait rêver, 1500 euros à choper. Ça va chier des Bulgaries. Hein. Ah, ça, je sais pas. Hein. Dans un instant, en tout cas, le réveil de star de ce matin, c'est avec Cyril Hanouna. C'est lui qui réveille les familles. Ouais, il réveille les familles de France et maintenant, c'est nous qui vous appelons. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Je vous dis ça tout de suite. Le gagnant de 1500 euros, j'espère, est localisé en Alsace. On file en Alsace ce matin. On va dans le 68 et on va à Mulhouse. Si vous nous écoutez à Mulhouse, vous allez peut-être avoir votre téléphone qui va sonner dans un instant. Il va falloir répondre Skyrock. C'est la famille Schneck. Merde. Schneck. Ah bah on est en Alsace aussi. Hein. On appelle Mélodie. Ya. Bonne chance à Mélodie. C'est ça, Schneck. Elle a dû avoir des blagues sympas à l'école, Mélodie. Allô, Mélodie. Bonjour. Oh merde. Vous êtes sur la messagerie orange. Oh, désolé. Mélodie. Mélodie. Mais c'est bien sûr. Laissez votre message après le bip. Eh bien, désolé pour Mélodie. Elle gagnera pas les 1500 euros. 1500 euros. On peut même laisser Skyrock sur le répondeur, ça marche. Hein. Ah oui, ça marche à tous les coups. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh putain, non, je suis refait là. Dès le réveil. On arrive, Cyril, on arrive. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Wet. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. Drake sur la première radio urbaine mondiale Skyrock, c'était One Dance. Et si vous kiffez Drake comme nous, restez bien sur Skyrock, on a des grosses surprises pour vous. Drake à 8h11. Et à 8h11, c'est l'heure de retrouver notre réveil de star. Tous les matins, une star vient réveiller les familles de France. Et c'est sur Skyrock que ça se passe, bien sûr. Et c'est Cyril Hanouna ce matin. Tiens, Romano, on parle de star télé. Il y a une star télé qui voudrait t'interviewer ce matin. Ah, alors bah j'écoute. Elle veut venir avant 8h30. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu lui accordes une interview? C'est une grande, grande star de la télé. Hein. Bon, bah j'accepte. Mais énorme, hein, vraiment. Bon, j'imagine. Même si elle a essayé de maigrir, mais elle est énorme. Ah ouais. Une star de la télé qui viendra interviewer Romano, ce sera pour vous, mais là, c'est pour les familles. Cyril Hanouna est avec nous, mais oui. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Allez, Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je vienne faire un truc? Oui, oui, oui, j'aimerais bien que tu passes un petit coup de fil, Cyril, à la famille d'Adrien. C'est Adrien qui va se faire réveiller ce matin, un nouvel Adrien qui va se faire réveiller par Cyril Hanouna ce matin sur Skyrock. Vous êtes prêts? Prêts? Ouais. Eh ben, nous aussi, on est prêts. J'espère qu'Adrien est prêt aussi. Cyril Hanouna. Débarque chez Adrien. Il débarque chez Adrien. C'est ça le rêve. Le réveil de star, c'est sur Sky. Allô? Allô, allô? Oui. Salut Adrien, c'est Cyril Hanouna? J'ai pas compris, c'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Hanouna. Hanouna, ouais. Hanouna. Je suis très, très, très, très, très heureux d'être avec vous. Mais exactement, vous êtes qui? C'est Cyril Hanouna. De la télévision? Mais oui. Oui. Oui, ah ben d'accord, je connais la télévision sur la 8, oui. Sur C8? Ah bon, c'est C8. Hanouna, Hanouna, je connais pas Hanouna, moi. Cyril Hanouna, moi je connais à la télévision. J'aime faire l'amour. Oui, il se fout de ma gueule, lui. Allez, c'est bon, allez, on va pas aller, on fait bon. Arrête ça. Ah non. Arrête ça. Allô, allô. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, attendez. Il y a une souris qui se présente comme il faut, qu'il vous êtes en train de l'énerver, il sait pas qui c'est, Cyril Hanouna, alors c'est bon. J'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Je vous propose des situations, et vous me dites si c'est bizarre ou pas bizarre. Oui. Coucher le premier soir, bizarre ou pas bizarre? C'est plutôt pas bizarre, bizarre hein, quand même. On couche pas le premier soir quand même. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de fantasmer sur quelqu'un, voilà, un acteur, un comédien? Oui, c'est déjà arrivé, mais fantasmer, non, pas au point que vous pouvez penser. Non, hein, voilà. Vous avez fantasmé sur moi, est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique sur ma personne? Non, je vous aime bien comme animateur, mais sans plus. Hein. C'est l'arc-en-ciel de l'amour. Oh. Mais merci, au revoir monsieur. Oh. Et l'autre qui bug, il est super, Cyril. Ouais, c'est des conneries, hein, comment il s'appelle? Cyril Hanouna. Hanouna, ouais. Cyril Hanouna. Le mari était jaloux, hein. Ouais, ouais. Et la femme est fan, hein, vous avez entendu? Ah, bah, complètement. Cyril, si tu nous écoutes, tu as une fan. Je regarde Hanouna sur la 8. Hanouna sur la 8. Bon, réveil de star, et dans un instant, eh bien, une star de la télé vient interviewer Romano. Ce sera notre invité mystère à découvrir. Quelle chance. Oui, une interview vérité. Vous saurez tout. Restez bien sur Skyrock, il est 8h15. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. Hello, yeah. Stop, J-Lo, yeah, yeah, yo. Off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on the bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. I've grown up so much, I'm in control and loving it. Rumors got put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing. Cash checks, so don't be fooled by the rocks that I got, that assets. You get back what you put out, even if you take the good route, can't count the hood out. After a while, you'll know who to blend with, just keep it real with the ones you came in with. Best thing to do is stay low, locks and J-Lo's, they act like they don't, but they know. Yeah. The rocks that I got, I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Jennifer Lopez avec Jenny from the Block. On prépare Soprano. On vous offrira d'ailleurs des places pour aller voir la tournée de Soprano, tournée Skyrock évidemment. La tournée 2017, il va dans toute la France, forcément près de chez vous. Hein. Il va partout. Hein. Ça tourne. Soprano a gagné dans la roulette tout à l'heure, avant 9h du matin. On lancera le top pour la roulette, mais tout de suite, attention, on passe aux choses sérieuses maintenant avec votre iPhone 7 à gagner et avec une interview. Une star de la télé m'a appelé, Romano. Et elle m'a dit, c'est une femme, hein, je vous donne un petit indice pour l'invité mystère, ce sera l'invité mystère à découvrir. Et elle m'a dit qu'elle voulait t'interviewer. Mais il y a qui comme femme star de la télé? Eh bien justement, c'est ce qu'il faut découvrir maintenant. Écoutez bien, c'est l'heure de l'invité mystère. L'invité mystère, l'invité mystère. What? L'invité mystère dans le morning. Comment tu trouves, Romano? So sexy. Waouh. Ouh là là, bah dis donc. Elle est chaude. Romano, c'est quoi pour toi? Ouais, bad boy. Un bad boy. Bad boy. Tu l'as reconnu? Ouais, je crois, ouais. Ouais. Elle est contente, elle t'a vu, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu la sœur cachée des Bogdanov physiquement. Non, mais c'est vrai que depuis quelques années, bon, elle a un peu forcé sur le bistouri, les injections, tout genre. Notre invité mystère, Romano, te fait penser à qui? Vin Diesel. Mais oui. Alors, vous l'avez reconnu. Elle refait de la télé. Elle faisait de la télé il y a longtemps. Bah, elle refait la même émission qu'elle faisait il y a 15 ans, quoi. C'est vrai, sur une nouvelle chaîne. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas la plus regardée, hein. Non, c'est pas la chaîne la plus regardée, hein. C'est la. Oui, oui. Alors, on nous dit Valérie D'Amido. Non. Beyoncé. Je peux vous dire, on est loin de Beyoncé, hein. Amanda Lear. Waouh, j'ai oublié qu'elle existait, là. Non, c'est pas elle. C'est pas Amanda Lear. Laurence Boccolini, non plus. Nabila, non plus. Ah, je vois les réponses qui défilent. Vous pouvez envoyer vos messages, allez-y. Alexandra Sublet. Non, c'est pas Alexandra Sublet. Non. Elle fait une vieille émission qui est ressortie, là. Mais oui. Petit indice qu'on vous a donné. Allez, vous nous dites, au 41 759, pourquoi tu aimes Romano, dis donc? Calvitie précoce. Pardon, excusez-moi. C'est quand elle se fera opérer de la voix. Non, mais l'interview est annulée. Non. L'interview, mais si c'est pour parler de ça, je refuse. Non. L'interview arrive dans un instant. Allez, on s'en occupe. Vous nous dites qui est l'invité mystère. Et dans un instant, l'interview de l'invité mystère par Romano. Et votre iPhone 7 a gagné, 8h20 pile. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD, fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora. Au cœur de la beauté. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. J'adore. Et totalement connecté.

Quel temps il fait à Valenciennes ce matin, Jérôme? Ah bah écoute, c'est grand bleu, là, il fait bon, donc super, quoi. Eh bah écoute, profite bien de la journée, t'imagines, il y a du soleil, il y a du ciel bleu, et t'as gagné l'iPhone 7 qui coûte bien cher, mais qui est gratuit pour toi sur Skyrock dans le morning. C'est cadeau. Ah super les gars, super. Eh bah bravo à toi, Jérôme. Félicitations, et puis tu vas surtout pouvoir assister, et vous tous, c'est vous toutes aussi, à l'interview d'Evelyne Thomas. Voici donc, c'est mon choix. Eh bah alors ça, c'est sur Skyrock. Ouais. C'est bien, ça remonte au niveau. C'est bien, Evelyne. Bonjour. Ah, ils ont regardé exactement le générique à l'époque. Ah bah c'est loco, ah, ça, ils sont pas fait chier. Bah, c'est chérie 25, c'est pas cher. Ouais. Alors, elle veut t'interviewer ce matin, Romano, sur un sujet, le sujet de C'est mon choix du jour. Écoutez bien. Nos invités d'aujourd'hui, le look boule à zéro et c'est leur choix. Oui, c'est leur choix, en fait c'est sur les choses. Non, mais laisse tomber, je ne répondrai pas à son interview. Attends, elle est venue. Je suis désolé, Skyrock s'est annulé. Elle est venue pour t'interviewer spécialement. Non, ce mais matin. Qu'est-ce qu'elle est venue me casser les bonbons? Réponds à ses questions, ça va lui faire plaisir. Hein? Bon, allez, vas-y, Evelyne, alors. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les chauves, que les autres n'ont pas? Bah non, c'est plutôt ce qu'ils ont de moins, c'est les cheveux. Bah oui, ça c'est vrai, oui. C'est conne, là. Bah, oui. On est viril sans cheveux? Un trait, t'es très viril. Un trait, bleu. Bah, il y a des poils partout, sauf sur la tête. Ah, c'est con, hein. Donc, ouais, c'est viril. C'est fou, ça. Ça pousse de tous les côtés, bah, sauf ouais, sur la tête. Sauf sur le crâne. Et c'est d'où? C'est d'où le, bah, le crâne, ouais. Ah, bah tu vois, t'as un avantage. Ah, c'est magnifique. Et ouais. C'est vrai que vous attirez les filles parce que vous êtes chauve. Waouh. Ouais, bah grave. Elle sait que t'es un lover. Bah, c'est ça. Elle sait que j'ai gagné le clash de la drague hier soir. Allez. Et vous l'avez bien vécu, le fait que vos cheveux tombent? Non, j'ai pas aimé. J'étais vraiment une connasse. Non, je l'ai mal vécu. Evelyne, ça l'énerve. Fais-lui un petit compliment. Il paraît que c'est un signe d'intelligence d'être chauve. Ah, Cédric a beaucoup de cheveux et de sacrément con. Pourquoi ça vous plaît pas d'être chauve? Bah parce que je préfère avoir des cheveux pour être plus beau. Oui. Ça vieillit aussi. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, Romano a 21 ans. Bah ouais. Mais lui, il en fait 50. Il en fait le double. Au moins, oui. Quand vous aviez des cheveux, vous étiez un séducteur? Ah grave. Ah genre maintenant, tu séduis plus rien. Ah, terminé. Bah avant, j'avais la mèche. Maintenant, c'est Bieber et tout. Et ouais. C'est ballot quand même, parce que vous êtes le même, mais sans cheveux. Bah c'est ça. T'as vraiment une sacrée réflexion. Elle est bien l'interview. Ah bah grave. Chauve à lunettes. Chauve à caquettes. Bah là, je peux répondre. Merci Evelyne. Ah, merci Evelyne. Ouais. Evelyne Thomas qui peut revenir quand elle veut dans l'émission pour faire une interview. Elle était super cette idée. Ah ouais, bah bravo. Merci Evelyne d'être venue pour ça. Ami chauve, on vous salue. Et Jérôme, on t'embrasse et on t'envoie l'iPhone 7 à la maison. Merci l'équipe, super. Salut. Mais Jérôme, tu es chauve? Non, j'ai tous mes cheveux. Ah merde. Et si vous êtes chauve, envoyez des photos à Romano avec l'appli Skyrock. Ça lui ferait tellement plaisir de voir qu'il y a des auditeurs qui sont chauves aussi. Ah ouais, ça me ferait du bien, ouais. Allez-y, faites-lui plaisir. Salut Jérôme. Merci l'équipe, salut, bonne journée. Et Soprano, pas beaucoup de cheveux non plus. Hein. Non, pas trop. Non, bah tiens. Sopra sur Skyrock a gagné tout à l'heure dans la roulette les places de concert pour Soprano. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Dans le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les enfants. sont bien pires que moi. Le diable s'habille plus en prada. Soprano sur Skyrock. Soprano avec le diable s'habille plus en Prada à 8h32. Bonne journée, les places pour Sopra avant 9h, c'est promis. On vous les offre, la tournée Skyrock, elle est pour vous. On vous offre aussi 1 500 €, ça arrive juste après les infos dans 2 minutes. Et les conseils pas chers, et ce matin, on parle football. Football, ouais. Ouais, tu te football, mets au foot, stade, argent, business. Bah, si tu veux gagner de l'argent, c'est vrai que le foot, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc, gagner de l'argent grâce au foot, et on va vous parler des stades de foot. Vous connaisserez le classement des meilleurs stades d'Europe en nombre de spectateurs. Ils sont où les Français? Tu nous feras le classement, Romano. On est un peu loin, ouais. Ah ouais, on est un peu loin. Bon, comment gagner de l'argent grâce au foot? Vous saurez tout, conseil pas cher. 8h40 ce matin et les infos tout de suite à 8h32. C'est parti, on va démarrer par la météo. Il fait encore beau, on en profite, c'est un peu moins bien, mais bon, écoutez bien la météo. Voilà, c'est ça. Ah, impression de beau temps quand même qui va dominer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a une petite perturbation qui arrive à l'ouest aujourd'hui. Du coup, quelques pluies ce matin dans le sud-ouest et puis des nuages attendus sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie pour les autres. Pas de problème. Beau soleil tout au long de cette journée. Les températures de 16 à 21 degrés ce matin, 21 à 24 le long des côtes atlantiques et de la Manche. Entre 28 et 33 dans la moitié est cet après-midi. 26 en Ile-de-France, donc c'est moins qu'hier. Et de 19 à 25 dans le sud-ouest, là c'est bien moins qu'hier. La pollution est pas terrible. Les indices compris entre 4 et 5. 5 à Orléans, Clermont-Ferrand, Perpignan, Marseille, Lyon, Mulhouse et Metz. Et le point sur l'actu, tout de suite, l'actu et le sport. Et on parle de l'iPhone depuis hier, mais il y a un autre produit technologique qui sort bientôt et qui mobilise aussi l'intérêt. Il s'agit de la PS4 Pro qui arrivera dans les rayons le 10 novembre. La console a été présentée en grande pompe hier dans un théâtre new-yorkais. Elle est équipée d'une puce graphique deux fois plus puissante que la PS4 actuelle. Grosse qualité d'image donc, en ultra haute définition 4K donc selon votre télé. Le modèle s'adresse aux gros gamers qui veulent s'approcher du réalisme. La bonne nouvelle c'est que les prochains jeux seront compatibles avec les deux modèles de console comme le nouveau Call of Duty. Le prix par contre il pique un peu. Elle sera vendue 399 € cette PS4 Pro. Deux couples en garde à vue après la découverte de 6 bonbonnes de gaz et de 3 bidons de gasoil dans une voiture. Le véhicule, sans plaque d'immatriculation, a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'un des couples originaires du Loiret est connu pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. La grève des enseignants aujourd'hui, c'était prévu depuis la rentrée. Les syndicats protestent toujours contre la réforme du collège. 5e mobilisation depuis le printemps 2015. Les profs semblent pour la plupart réticents à l'idée de manifester en ce début d'année scolaire. Le cortège parisien partira de la Sorbonne en début d'après-midi. Manifestation aussi du côté de Lille. Un accord trouvé entre les éleveurs bovins et Carrefour. Des opérations coup de poing ont été menées hier un peu partout. La direction de Carrefour et les syndicats ont négocié pendant 3 heures. Le géant de la grande distribution accepte de rémunérer les éleveurs en fonction des coûts de production. Un décès étrange à Sevran, en banlieue parisienne. Un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé mort dans la rue. Là où c'est un petit peu chelou, c'est qu'il était habillé en tenue de super-héros. L'individu serait tombé, mais une autopsie devrait venir éclairer la lanterne des enquêteurs. Les voisins affirment qu'il avait l'habitude de se promener comme ça en super-héros la nuit, un petit peu comme dans le film Kick-Ass. Oui. On parle sport maintenant, sport avec du foot et des JO. Ouais, c'est important de le souligner, un beau geste, c'est Martin Braithwaite qui en est à l'origine. L'attaquant du TFC Toulouse a décidé de reverser 1 000 € par but inscrit à des associations caritatives. L'annonce a été faite sur son compte Twitter et depuis, eh bien, il a déjà marqué 2 fois. Le premier don a donc été fait à une association de parents d'enfants prématurés. C'est bien ça, Romano, tu devrais faire ça. Dès que tu réussis un conseil pas cher, tu verses 1 000 €. À qui? Bah, une association. Bah, non. Pourquoi? Bah, parce que ça fait partie de mon contrat, l'argent me revient. L'argent des conseils pas chers lui revient, je savais pas ça, dis donc. Bah, c'est négocié. Hein. Bon, ils arrivent. Et les JO paralympiques, c'est parti. Ouais, des milliers de personnes réunies dans l'enceinte du mythique stade Maracana à Rio. Très belle cérémonie d'ouverture, bon, un peu moins que les JO il y a quelques semaines déjà, mais c'est normal, hein, pour des raisons budgétaires. C'était il y a quelques heures, 15e donc jeu paralympique, 4300 sportifs, 126 Français sur place, donc représentés dans 16 disciplines, alors aucun Russe présent après les différentes appareils. de dopage. Bon, c'est pas grave, hein, les Russes, ils font leur JO à eux, chez eux, en Russie, juste entre eux. Place désormais au sport, avec comme objectif de faire mieux qu'à Londres il y a 4 ans. La délégation française était rentrée quand même avec 45 médailles, dont 8 en or. 45 médailles, c'est vraiment pas mal. Eh ben, allez les Bleus. Mais je crois que le président du comité olympique, il était même pas là. Ouais, alors ça, c'est, ouais, ça a été super remarqué. Le président du CIO ne s'est même pas déplacé, donc on n'a pas compris. Eh ben, il a rien compris non plus. Ouais. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h36. On y va. 1500 euros à gagner. Vous attendez votre chèque. Il arrive tout de suite. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Et les 1500 euros sont déjà tombés ce matin à Argenteuil, dans le 95. Bravo à Tariq. Tariq, livreur, qui est en train de bosser avec son pote Tamar. Ils ont répondu Skyrock. 1500 euros. Est-ce qu'ils vont partager? On va voir. Je sais pas, on t'appelle un matin. Tiens, une autre question concernant l'argent. Je t'appelle le matin, tu es dans la voiture avec Cédric. Cédric est dans la voiture avec toi, vous êtes tous les deux et vous répondez Skyrock tous les deux, mais c'était ton nom qui t'est appelé. Est-ce que tu lui donnes la moitié des 1500 euros, autrement dit 750, ce qui serait quand même super sympa? Logiquement. Ah bah non. Bah pourquoi logiquement? J'ai répondu avec toi. Il est avec toi. Bah il est avec moi. Bah écoute, c'est déjà une chance d'être avec moi. Voilà. Il paye un café peut-être. Ouais, à la limite. Ah, quelle générosité. Allez Cédric, paye le café pour fêter mes 1500 euros. C'est gentil. 1500 euros à gagner, c'est pour vous tout de suite. Les conseils pas chers juste derrière. On va découvrir les stades qui connaissent le plus d'affluence, les stades où il y a, le plus de monde, ouais, c'est ça, chaque match. Et le classement des Français, à mon avis, ils sont loin, d'après ce que tu m'as dit. Hein. Oui, ils sont loin. Moi, j'ai le début du classement, mais j'ai pas de Français dans le début du classement. Eh bien, les Français arrivent, mais plus loin dans le classement, je vais vous donner tout ça dans quelques minutes. Allez, on vous donne tout et tu gagnes de l'argent grâce à une super idée pour les conseils pas chers. Mais... Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et tout de suite, comment gagner 1500 euros? Bah, c'est simple, vous répondez Skyrock, c'est dit dans le jingle. Mais il faut qu'on vous appelle juste avant. Eh bien, c'est parti. On va appeler ce matin dans le 75, autrement dit à Paris. Attention les Parisiens, les Parisiennes, c'est pour vous. C'est même pour une Parisienne. Elle s'appelle Christelle. Christelle Dufetel. Et si Christelle répond Skyrock, eh bien, c'est 1500 euros pour elle dans la poche. Allez, Christelle. Bonne chance, Christelle. 1500 euros à gagner à Paris ce matin. On a visité Reims, Perpignan. Et là, on est donc chez Christelle. Bonjour, Christelle. Oui, bonjour. Vous allez bien? C'est qui? Pardonnez-moi, j'ai pas entendu. Eh bien, écoutez, ça va bien. Et c'est la radio au téléphone, Christelle. On est en direct à la radio. On vous a tiré au sort ce matin, c'est pour vous offrir 1500 euros. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, Christelle. Il y a bien 1500 euros à gagner. J'ai le chèque, il est là, sous mon nez. C'est Manu du 6-9? Non, c'est pas Manu du 6-9. C'est pas ça. Je suis désolé. Non, pas du tout. C'est, je vais quand même te poser la question, mais à mon avis, tu vas te planter, Christelle. Quelle est ta radio préférée, Christelle? Je vais dire Fun Radio. Non plus. Voilà. Non plus, les deux font la paire. C'était Skyrock au téléphone, Christelle. Je suis désolée, ça aurait été avec plaisir. Nous aussi, on t'aurait accueilli avec plaisir, Christelle. Qu'est-ce que tu nous fais ce matin? T'es tombée à côté des 1500 euros, ma chérie. Ben oui, mais j'ai juste arrivé à mon travail, vous voyez, donc j'ai pas eu le temps d'écouter la radio ce matin. Bon, il faut écouter Skyrock, Christelle. 93 FM. Avec plaisir, très belle journée. On te souhaite une belle journée à toi aussi. Bisous, Christelle. Bisous, au revoir. Salut à toi, Christelle. Salut. Au revoir. Et bonne continuation et je vous souhaite énormément de succès. Écoute, t'es gentille, Christelle. À bientôt, Christelle. Salut, Christelle. Elle est gentille, cette Christelle. Comment ça se fait qu'elle écoute pas Skyrock? Eh bien, elle a tort. Mais oui, Romano, elle a tort. Et puis, elle passe à côté des 1500 euros. Désolé pour Christelle. On fait une bise à Tariq. Tariq, lui, par contre, il a eu tout bon ce matin. Donc, t'as tiré au sort, Tariq. C'est pour gagner 1500 euros. On a 1500 euros à t'offrir. Il faut juste répondre à une question. Sérieux, ça? Tariq, il faut me dire, quelle est ta radio préférée? C'est Skyrock. C'est Skyrock. Bah, tu peux te réveiller en pleine forme. Hein. T'as déjà gagné 1500 euros. 1500 euros pour toi, Tariq. Bravo, Tariq. Bravo. Ça fait plaisir, ça. Eh ouais, les 1500 euros, le jeu le plus copié du monde. Mais c'est sur Skyrock, l'original. 1500 euros à gagner. Vous envoyez 720 si vous voulez qu'on vous appelle. Vous envoyez 1500 ou 720. C'est ça. C'est dans le bon sens. J'ai tout compris. Oui, c'est bon. Allez, on vous appelle, vous répondez Sky et c'est dans la poche. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. Big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. Sur Skyrock, c'était le son de Mike Posner. Il est 8h43, c'est l'heure des conseils pas chers. Dans les conseils pas chers ce matin, on va parler football. Football et influence dans les stades. Et oui, parce qu'on a le classement des stades qui connaissent le plus de, le plus d'influence. C'est les stades d'Europe, hein. Avec le plus grand nombre de spectateurs. Et les stades français, ils arrivent combien, les stades français, Romano? Parce que moi j'ai les 10 premiers, ils sont pas dedans, hein. Ah non, bah c'est plus loin. C'est combien? Ah bah le premier, c'est le PSG. Ah, combien? 19e. Ah ouais, quand même. En Europe. Ouais, c'est ça, ouais. 19e. Hein? Il y a combien de gens qui vont voir les matchs en moyenne? En moyenne, c'est 46 160 personnes. C'est pas, ça veut dire que le stade est plein tout le temps parce qu'il est pas très grand, le Parc des Princes. Hein. Mais il avait pas grandi, là? Si, si, mais je crois qu'il est à peu près à ça. Ah, je sais pas du tout, hein, je connais rien, moi. 46 000, deuxième, c'est qui, Marseille? Ouais, en français, hein. Donc c'est 26e au classement européen. C'est Marseille, 42 015 personnes. Le stade de Vélodrome. Et voilà, les Américains. Les Américains de la Canebière. Et il est joli, le stade Vélodrome, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il est joli, ouais. Il est beau, hein. Et le troisième stade français, qui est lui classé 31e dans le classement européen, c'est Lyon, avec 40 250 personnes. Ah ouais, 31e, loin quand même, hein. Non, mais il y a un problème dans votre classement, les amis. Ah non, non, c'est bon, non, non, c'est bon. Et le stade devant tout le monde au classement européen, c'est le Borussia Dortmund. Alors bon, c'est quand même quasiment le double de Marseille. C'est 81 178 personnes. À chaque match en moyenne. Ah ouais. Ah, on va voir le football à Dortmund. Ah ouais, ouais. Et deuxième, c'est le FC Barcelone, 78 881 personnes. En troisième, moyenne. Manchester United, 75 279. J'aime bien, tu es précis, hein, sur les chiffres, hein, tout le temps. Hein, Et quatrième, c'est le Bayern, 75 000 tourons. Le Real Madrid n'est que cinquième avec 69 736, je les ai comptés. Ah, c'est bien, exactement. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Donc les stades où il y a le plus de monde, bon, ne sont pas en France. En gros, hein. Ouais, c'est ça. Eh bien, je vais aider à remplir les stades ce week-end avec la vente de faux billets de football. Je travaille en association avec un imprimeur qui me fait des beaux billets. Il est bien. Faux, mais totalement opérationnel. Et ce matin, je vais appeler des familles et leur proposer des places pour les matchs de foot. Ce week-end, par exemple, il y a PSG Saint-Etienne. C'est demain soir, PSG Saint-Etienne. Des places à gagner, d'ailleurs, si vous écoutez Skyrock à Paris et en Ile-de-France. Ce sera à 8h, 8h moins 5, en gros. On peut le dire, c'est le match de l'année. On peut le dire, PSG Saint-Etienne, à ne pas louper, on le suivra dans la radio libre. Ah bah oui, c'est mon match. Il y a aussi Nice OM. Ah, gros match ce week-end. Et OL Bordeaux. Très bien. Eh bien, on gagne de l'argent grâce au conseil pas cher. Enfin, c'est surtout Romano qui se fait de l'argent. Hein. Allez. Cristiano Ronaldo gagne 2 euros par seconde. Romano sera-t-il plus fort que lui ce matin? Allez, plus fort que Cristiano ce matin. Allez, c'est parti. Envoyez du client. Cédric. Là, on va chez Anne. Tu as tous les noms chez Anne. Ouais, et elle supporte la SSE. Allô ? Oui, bonjour, Anne ? Oui. Oui, bonjour, tu es supportrice de l'AS Saint-Etienne ? Oui. Allez, les verts ! C'est, oui. C'est pas trop dur ? Pourquoi c'est pas non. trop dur ? Non. Bon, dis voir, je vais te proposer samedi, même demain soir, t'es au courant, il y a le match PSG Saint-Etienne ? Ouais. Ouais, et j'ai des billets, si tu veux, pour le match, que je te fais à tarif promotionnel. Ça te dit ? Non. Je peux pas y aller demain. Ah, tu peux pas y aller ? Ouais, c'est un gros non. match. C'est un gros match. Il faut pas le rater quand même. Non. Allez, je te fais les places. Je te fais les deux pour 200 euros. C'est pas cher. Non, mais je peux pas. Je te mets en présidentiel si tu veux. Non, non. Allez. T'es sûr ? Anne, laisse-toi aller, bébé. Vous êtes qui, là ? Je suis un mec qui vend des places de football. Mais j'en veux pas. Bah, t'es sûr ? Non, je peux pas en plus. Ouais, t'en as marre de Saint-Etienne, je te comprends. Arrête de dire des choses comme ça, Romano, Saint-Etienne, les Verts, équipe mythique de Ligue 1. Anne, allez, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est... Les Verts. Moi, voilà. je pars chez le dentiste, là, je vais vous laisser. Ah, tu n'as plus de dents. Bon, bah écoute, Anne, bon courage, j'espère qu'il va t'en remettre ce matin. Je ne te fais pas la bise, je te serre la main. Au revoir, Anne. Tu sais, tu l'appelles une autre semaine, elle les prend les places. Hein. Bah, c'est possible. Bon, là, elle était un peu en galère, la pauvre. Plus de Chico. Bon. Bah oui. Bon, Cédric, tu m'appelles quelqu'un d'autre ? Ouais, vas-y. Ah, bah vas-y, avec plaisir. Cédric, c'est bien, c'est qu'il est vif. On va chez. Ouais, ça, c'est une de ses principales qualités. Ah, c'est la sonnerie. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu lui dis d'appeler et le moment où il appelle. C'est la vivacité. Oh là, attends, il faut que je fasse quoi ? On va chez Anthony. Il est pour l'OM. Il est pour l'OM. Eh bah, dis-donc. Ah, bah, on voit le à Nice. Voilà. Nice OM ce week-end. Ah ça, c'est pas trop loin en plus. Je prépare un Parisien au cas où. Bah vas-y Cédric, n'hésite pas. T'es là, Anthony. Voilà, bah appelle le Parisien. Voilà, ouais. Tu appelles Yves, on tombe chez Anthony. Cédric, en fait, tout va bien. Ah, c'est Anthony. Allô. Allô. Benji. Oui. C'est Benji ? Ouais. Ouais, comment tu vas ? Ça va, toi ? Allez Paris, allez PSG. Allez PSG. Ouais. Ça t'intéresse des matchs pour des places pour le match de ce week-end ? Non, ça m'intéresse pas. Non, ça t'as arrêté de supporter PSG ? Moi, je supporte pas, je vends. Tu fais quoi ? Ah, il fait comme toi, il vend. Ah, tu vends des places, toi aussi ? Ah, ma main, c'est tombé sur... Non, je vends tout. Ouais, mais c'est pourquoi, ma gueule ? Ah, bah, parce qu'en fait, je voulais vendre des places. Je fabrique des fausses places, elles sont nickel. Hein. Je les ai testées, elles passent nickel. Bah, c'est bon, ça m'intéresse. Non, mais toi. Si tu vends des trucs, tu peux faire une affaire avec mon pote, là. Ouais, parce que moi, je te revends des places, toi, tu les revends à d'autres personnes. Non, ça m'intéresse pas. T'es sûr, mec ? Ouais, sûr. On peut faire un bon bise, hein. Tu sais pas ce que tu rates, là. PSG Saint-Etienne, ouais, en plus, c'est de la fiche, quoi. Ça m'intéresse pas, les gars, ça m'intéresse pas. Bon, désolé. Au revoir alors. Bah, t'as pas de chance, t'es tombé sur un mec qui faisait comme toi, Romano. Ah ouais, bah ici. Ouais. Cédric, ce con m'appelle des concurrents. Bah donc, oui, il y a déjà de la concurrence au niveau de l'escroquerie. Je crois qu'il va falloir que tu payes, hein, Cédric, à un moment donné. Non. Les fausses places de foot. Bon, bah merci pour ce conseil pas cher, Romano. On saura que les stades français manquent un peu de spectateurs, mais heureusement, tu es là pour les aider, ça fait plaisir. Sans problème. Il est 8h49, on va voir si la journée, justement, va se passer sans problème avec l'horoscope de l'amour. Les 12 signes et vos puissances amoureuses dans moins d'une minute et la compile du jour qui arrive. On va parler de capote ce matin. Carriole se réveille, c'est dingue. Ouais, compile du jour, les capotes originales à découvrir. Préparez-vous, c'est sur Skyrock et l'horoscope dans une minute. À moins 50 euros. Cette année, vous allez adorer la rentrée chez Marionneau. Profitez d'une remise exceptionnelle de 25% sur tous les parfums de grandes marques en magasin et sur marionneau.com. Pas une minute à perdre, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Offres et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Il y a des prix qui vous font dire « Bon, bah on utilisera des boîtes à chaussures pour ranger les outils !» Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 19 septembre, pendant l'opération Mon Projet Rangement, 399 euros seulement l'abri de jardin Marquise en sapin naturel et ses murs exploitables à 100%. Porte vitrée incluse, assistance téléphonique incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat ». Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Et l'horoscope, c'est parti, on y va. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce jeudi, on commence par les vierges et les béliers. Puissance amoureuse à zéro, qu'est-ce qui vous arrive ? 0 sur 5, ah, vous ressassez le passé. Ne pensez pas à ce qui s'est passé, allez de l'avant. Et tout se passera beaucoup mieux. 1 sur 5, les capricornes et les scorpions. Un ciel un peu nuageux sur le plan sentimental aujourd'hui. Mais attention, ça sera beaucoup mieux du côté de l'amitié. profitez-en pour aller chérir vos amis. Aujourd'hui, les Capricornes et les Scorpions saura quoi faire. Ouais. 2 sur 5, les Taureaux, les Poissons, n'ayez pas peur de vous dévoiler un petit peu et de vous montrer tel que vous êtes. C'est comme ça que vous séduirez le mieux. 3 sur 5, c'est pour les Balances et les Cancers. Célibataire, vous avez le bon look aujourd'hui, un look qui permettra de vous démarquer. Vous avez pris soin de vous, vous avez raison. Et pour les couples Balance et Cancer, c'est une journée pleine de tendresse à savourer à 2. 4 sur 5, les Gémeaux et les Sagittaires, vous aurez plein d'idées pour séduire en ce jeudi. Eh ben, lâchez-vous. Et pour finir, les meilleurs, les Verseaux et les Lions. Oui. Vous raflez tout aujourd'hui. Ah, tout. Tout. Vous serez le soleil pour le soleil des autres aujourd'hui. Oh. Magnifique. Oh, magnifique. Magnifique, les Verseaux et les Lions. Et dans un instant, la compile du jour, ça concerne les capotes à goût. Oui. Ah, bah tiens. Ah, bah, Lion, carriole à faim. Elle a très très faim ce matin. Vous avez déjà testé des capotes à goût, dites-nous lesquelles et lesquelles vous avez préférées. Allez-y, si vous avez, je sais pas, par exemple, une capote Chocapic, par exemple. Ça existe, ça? Non, mais il existe plein de trucs, vous allez voir. La compile du jour, c'est pour vous, c'est juste après le son des 21 Pilots sur Skyrock, à 8h52. 21 Pilots, c'est Ride sur Sky. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight, that when people back home will try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Avec Ride sur Sky. Tiens, on va lancer le top pour la roulette. La roulette qui va tourner dans un instant. Si vous voulez gagner Soprano, bah c'est maintenant. Vous vous inscrivez au 7-20-20. Vous envoyez roulette au 7-20-20 et vous irez voir Soprano. Il va mettre le feu dans toute la France. Les places sont assopées sur Skyrock. La tournée, c'est une tournée Sky. Il sera notamment à Marseille au Vélodrome. Il a prévu une date au Vélodrome. C'est un gros gros concert qu'il avait annoncé d'ailleurs dans la Radio Libre avec nous. Soprano était venu nous voir. Ce sera le 7 octobre de l'année prochaine, 7 octobre 2017. Et puis avant ça, il y aura toutes les dates en France. Ça démarre à Amiens, ça passe par Strasbourg, Lille, Metz, Bordeaux, Toulouse, Pau, Lyon, Rouen, Caen, etc., etc. Il sera à Saint-Étienne aussi, à Orléans, à Limoges, à Clermont, à Paris. Il va partout, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest et au milieu, partout. Soprano a gagné, 7-20-20, vous envoyez roulette. Et on tire au sort dans un instant pour faire tourner la roulette. Tout de suite, c'est l'heure de la compile du jour. Compile préservatif au goût chelou ce matin. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors les capotes, Cédric, en antenne, tu nous disais que tu aimais bien les capotes Goombang. Non, c'est la boisson que je bois. Ah, donc tu aimes tout Goumang, les capotes, non, les capotes non, la boisson, tout ça. Mais je goûte pas les capotes, moi. Bah essaye. C'est ce que tu nous as dit, t'en discutais avec Cariole il y a un instant. N'importe quoi. Bon, Cariole, t'aimerais quoi comme goût, toi? Bah, si tout existait, je sais pas, un petit goût vin. Vin blanc. Non, mais j'ai peut-être un truc pour toi dans la compile ce matin. Ah, bah nickel. Peut-être un goût sympa. Et toi, Romano, c'est quoi qui te brancherait comme goût de capote? Ah, mais moi, je ne suce pas, moi. Non, mais admettons. Bah, j'en ai déjà goûté, moi, je trouve ça ignoble, mais avec les goûts. Tu suces pas, mais t'as goûté. Bah oui, on avait goûté dans la radio libre un soir, j'en avais mangé. Oui, il avait faim et on lui a dit que c'est gratuit, il en a profité. Non, mais en fait, parce que t'as le goût, par exemple, fraise. Ouais, Jules, il aime bien le goût fraise, il nous dit là sur SMS. Mais par contre, t'as quand même, en arrière-goût, t'as le goût du plastique, du latex, quoi. Ah. Non, mais rien que l'odeur, ça débecte, quoi. C'est... Ah, Rémi les renifle, lui. Mais non, mais Capasson, Whiskas, pour les chats affamés. Ah, petite blague très connue, mais qui nous est rappelé par RS89. Ouais, et puis il y a le goût maillot pour baiser les tons. Oui. Aussi. Oh là là. Je pense que le message va pas tarder d'arriver là. C'est fin. Voilà, goût banane, Cariole, ça te branche pas? Moi je connais, moi j'aime bien les goûts fraises, bananes, tout ça. Ah, t'aimes bien? Ouais, enfin j'aimais bien. J'en prends plus avec Romano. Maintenant, elle mange de la viande pure. Allez, c'est parti pour la compile du jour. Ah bah allez, on est dedans là, ça y est, tu veux faire numéro 3? Allez, on y va, c'est parti. Numéro 3. Numéro 3, eh bah tiens, un truc pour toi, Cariole. Ouais. Une capote goût whisky. À essayer. Pourquoi pas? À essayer, ça existe. La capote goût whisky. C'est marrant. On l'a mise troisième, j'ai sélectionné spécialement pour Cariole. Ouais, bah voilà, elle est contente. Oui, on passe au numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, bien écoutez, j'ai au choix ou le goût bacon. Ouais. Parce que ça doit être bien dégueulasse. Ah, goût bacon, ouais. Non, ou un truc pour le matin, le goût café. On a mis en numéro 2 le goût café. Ouais. Ouais, pour le matin, ça peut être pas mal. Et attention, la meilleure. Numéro 1. En numéro 1, la capote goût bite. Ah, bah voilà. Oh non. Mais si elle existe. À ce moment-là, attends, oui. Bah attends. C'est vrai. C'est normal, capote goût bite. Bah, je sais pas quoi dire. Bah écoute, en général, la bouche pleine, on dit rien. Oh. Bon, ben voilà, c'était la compile des capotes du jour. Hein. La goobite, on l'a mis en 1 parce qu'on a trouvé ça original. C'est vrai que c'est mieux que le goût plastique, non? Ouais, ouais, ouais. Voilà la compile des capotes du jour. Ah, bah, vous savez tout. Soprano arrive dans un instant. Les places de concert à gagner, c'est sur Skyrock, c'est pour vous. Allez, roulette au 720 et ça tourne. Il est 9h02 sur Sky. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora. Au cœur de la beauté. GPS, caméra de recul. Oh, elle est vraiment canon, ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connectée. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Le Happy 55e anniversaire Auchan continue. Pourvu qu'il y ait une console en promo. C'est bien pour l'offrir à notre ado. Oui, oui, bien sûr. Jusqu'à mardi chez Auchan, la console Xbox One 1 Tera est à 299€. En plus, avec votre carte Auchan, 100€ sont crédités sur votre compte Wahoo. Ça fait 199€ cagnotte déduite. On peut lui en prendre une, hein, chérie. Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Ton 21 centimes d'éco-participation, quantité limitée à 4000 consoles, voire conditions sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100€ offerts en bons d'achat pour 500€ d'achat en meubles, déco et électroménager. 100€ offerts. Et oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours, voire conditions sur Conforama.fr. La Redoute Intérieure présente... Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée, pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40€ tous les 100€ d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits.

Alors, on a Céline avec nous en direct de Toulon. Ah, oui. Céline, tu as 33 ans et c'est toi qui veux aller voir Soprano avec ta sœur, d'après ce qu'on dit. Grave. En ça famille. Fait trop longtemps qu'on veut aller la voir. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas pouvoir en profiter. Il fait quel temps à Toulon ce matin? Il fait super beau, ciel bleu, 25 degrés, c'est parfait. Bah écoute, la vie est belle. Hein. Et en plus, tu vas faire tourner ta roulette. Comment elle s'appelle ta sœur? Claudia. Donc en fait, tu joues pour deux. Ouais. Très bien. Claudia, Céline, on croise les doigts et on fait tourner votre roulette. C'est parti. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Les places de concert pour aller voir Soprano, eh ben écoute, c'est pour toi. T'as pas envie, parce que t'es pas très loin de Marseille, t'as pas envie d'aller le voir au Vélodrome, Soprano? Grave. Ah, des événements d'année prochaine. Je vais aller le voir à Marseille en plus. Ah ben écoute, si tu tombes sur les places de concert, et a priori ça devrait le faire, on t'envoie au Vélodrome. Allez, quand tu veux, dis stop. Top. Attention, Céline, pour Céline et Claudia. Eh bien, les Toulonnaises, la bonne nouvelle du jour, bah, pour vous en tout cas, c'est les deux places pour aller voir Soprano au stade Vélodrome à Marseille. Merci, bravo. Eh bien, c'est pour toi. 15 ans que je vous écoute, 15 ans que je m'inscris à la roulette, 15 ans que je m'inscris. C'est la première fois qu'on t'appelle. Et c'est la première fois qu'on m'appelle. Eh ben écoute, et on t'appelle grave, en plus pour. Eh ouais, mais t'as raison, on t'appelle pour le gros concert de Soprano, un des événements merci, de l'année prochaine. Merci. 7 octobre 2017, Marseille, nouveau stade Vélodrome. On disait qu'il était beau tout à l'heure, mais il sera encore plus beau avec Sopra dedans et avec vous les filles dedans en plus. Mais oui. Merci beaucoup. Bisous. Au revoir. Salut. Ciao, salut. Et voilà, c'est tombé à Toulon et ça tombera. Partout en France, hein, où vous voulez, vous vous inscrivez pour la roulette. Il est 9h07 et à 9h07, c'est l'heure de retrouver le zap du morning pour savoir tout ce qui s'est passé ce matin. Il s'en est passé des choses. Hein. Des iPhones qui sont tombés, 3 ce matin. Ouais. 3 iPhones. Les 1500 euros qui sont tombés chez Tariq et tout le reste aussi, c'est parti. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Voici donc, c'est mon choix. Alors, ça, c'est sur Skyrock. Ouais. Alors, elle veut t'interviewer ce matin, Romano, sur un sujet, le sujet de c'est mon choix du jour. Écoutez bien. Le look boule à zéro et c'est leur choix. Oui, c'est leur choix. En fait, c'est sur les choses. Non, mais laisse tomber, je ne répondrai pas à son interview. Attends, elle est venue. Je suis désolé, Skyrock, c'est annulé. Elle est venue pour t'interviewer spécialement. Non, ce mais matin. Qu'est-ce qu'elle est venue me casser les bonbons? Oh, ah, réponds à ces questions, ça va lui faire plaisir. Hein? Bon, allez, vas-y, Evelyne, alors. Et vous l'avez bien vécu, le fait que vos cheveux tombent? Non, j'ai pas aimé. J'étais vraiment une connasse. Et il réveille Adrien ce matin, Cyril Hanouna, sur Skyrock. Allô? Oui, ben vous êtes foutu de ma gueule, là, ouais. Ça va chier des bulles carrées, hein. Oui, ça va chier des bulles, parce que j'aimerais reprendre ce numéro et je vais aller au flic. Je m'en balèque. Alors, excusez-moi, si vous êtes con, si vous passez à mes fils, que lui, va vous foutre la main sur la gueule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il est grand et costaud, hein, il vous foutra bien sur la gueule. Attention. Ah, il a le cul ferme, celui-ci. Non, mais vous croyez où, là? Pédé. Oui, je crois. Carrément, pédé. Ça, c'est Jay-Z. That's your crack. Oh, et Jay-Z est avec nous, c'est ça. Crack. Ouais. Bah, que c'est Jay-Z du pauvre, là. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Ouais, non, mais ça va pas, non? Ah bah si, ça va très bien, vous avez passé la commande, moi je vous la livre ce matin. Hein. Mais je vous dis que j'ai jamais rien commandé. Ah bah monsieur, faut pas vous énerver, vous en souvenez peut-être plus, hein. Non, mais ça va pas, non? Peut-être que vous buvez et vous avez des trous de mémoire. Oh, faudrait y aller mollo, là, hein. Ah bah faudrait y aller mollo. Moi, le problème, c'est que je vais arriver dans 5-10 minutes avec la camionnette, hein. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah ben, et puis surtout, n'oublie pas les 5000 euros, mon Jackie. Oh, bon, non, mais c'est... Bon, allez, Jackie, de toute façon, on n'en parle plus. Moi, je suis en route, j'arrive dans 5 minutes, ma poule. Oui, je vais te recevoir. Ah ben, c'est le but. Eh ben, je te remercie, Jackie, de ta coopération. Et j'arrive tout de suite, là. Oui, je te recevoir. Ah ben, c'est très gentil. Merci à toi, Jackie. Oui. Donc, t'as tiré au sort, Tariq. C'est pour gagner 1500 euros. On a 1500 euros à t'offrir, il faut juste répondre à une question. C'est sérieux ça? Tariq, il faut me dire quelle est ta radio préférée? C'est Skyrock. C'est Skyrock. Bah, tu peux te réveiller en pleine forme. Hein. T'as déjà gagné 1500 euros. 1500 euros pour toi, Tariq. Bravo, Tariq. Bravo. C'est ça, ça fait plaisir, ça. Eh ben oui, c'est fait pour, comme je vous le dis. Ça fait plaisir et c'est tombé à Argenteuil. Bravo, Tariq. 1500 euros pour Tariq, mais 5000 euros pour Romano dans les conseils pas chers. Et alors, voilà, comme ça, cash. Alors là, vraiment, Romano, bravo. Hein. Merci. En fait, il vaut mieux être un escroc qu'être appelé par Skyrock. C'est fou, ça, quand même. Ça. C'est pas moral, dis donc. Non. Ça. Bon, 1500 euros à gagner, c'est pour Tariq ce matin. Ce sera pour vous. Hein, le prochain coup, vous inscrivez au 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20. Oui. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Sinon, vous attendez tout simplement qu'on vous appelle. On tire aussi dans l'annuaire. C'est ce qui se passe tous les matins. Et c'est toutes les demi-heures, les 1500 euros en cette rentrée, en cette rentrée de septembre. Il est bien rentré, il est bien là, vous le retrouvez tous les matins et vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, de plus en plus nombreuses surtout les filles, je sais pas pourquoi, sans doute ta sensualité naturelle, Fredo. Bien sûr. Ça va, Fredo? Parce qu'elles savent que je suis torse nu chaque matin. Eh oui, entre, on est gâté, tiens. Entre 9h et midi. Bah, j'attends le mois de décembre avec impatience pour voir le gars torse nu là. Ça va. Bah, avec une écharpe. Ah, t'as une écharpe ce matin? Non, au mois de décembre. Ah, d'accord, ok. Nu avec une écharpe. Et toute la saison torse nu. Bon, profitez bien de la journée sur Skyrock, vos places pour Soprano, du gros son à retrouver. Et puis nous, dès 21h, si vous voulez faire les cons avec nous entre 21h et minuit, soyez là. On compte sur vous avec toute l'équipe de la Radio Libre, Cédric, Romano. Ouais. Et le reste de l'équipe, hein, la Marie, Samy, Karim. Soyez là entre 21h et minuit, on compte sur vous. Ne loupez pas le Planet Rap, un gros Planet Rap cette semaine avec les potes de Jules. Ouais, c'est les Ghetto Phénomènes qui débarquent tout droit de Marseille. Oui, et bien les Ghetto Phénomènes en direct des studios de Skyrock, c'est ce soir. Et puis bah, tout au long de la journée du son. Et c'est toi qui t'en occupes, Fredo, ce matin. C'est bon, prêt. Ça roule. Coup d'envoi. Allez, coup d'envoi, c'est parti. Ciao. Ciao, ciao. Oh, bah, t'es bien accompagné en plus, dis donc. Justin. Ouais. Et demain matin, le morning, ne loupez pas. Des bah oui, heures. Demain matin, dès 6h, 6h, 9h, avec les 1500 encore à choper. Oui. Et puis plein d'autres surprises. Très bien, Fredo. À toutes. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bienvenue. C'est jeudi aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on se rapproche tranquillement du week-end. Rap, R&B en non-stop. Justin Timberlake, on le disait avec D-Fool. On l'écoute maintenant, c'est Can't Stop the Feeling. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Been so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop.

nouveauté. Skyrock, Skyrock, premier sur le rap.